Auditrice, amis et auditeurs, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de RGM, l'émission du lundi soir, calendrier des esclavages et des libérations. Je rappelle que Radio Guémozo est à la fois une radio locale et une radio libre. Qu'est-ce que vous préférez, qu'elle soit plus libre que locale ou plus locale que libre? C'est pas facile, hein. Bon, faut essayer de faire les deux quand même. Voilà. Alors, le programme de ce soir, eh bien, d'abord le calendrier, bien sûr, les présidentielles, des élections contre la démocratie, cabinet de conseil mandaté par le gouvernement, ça c'est quelque chose de beau, hein, cabinet de conseil, oh là là, aïe aïe aïe aïe, si on tolère ça, ben, faut tolérer tout le reste, hein. Il faudrait tolérer tout le reste. Il faudrait pas tolérer tout le reste, ni ça non plus. Daniel Cordier, secret sur la mort de Jean Moulin. Ouais, on sera sans doute étonné. Ouais. Quand on ouvrira les archives, on va faire des découvertes. Complément d'enquête, elfe sous tension. Ensuite, l'écologie, 5 ans d'arnaque d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon. Logement, mon plan pour zéro sans-abri. Et puis, bon, un petit truc sur le français, et puis, voilà, ce sera tout pour ce soir. Il me restera à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 21 février ? Eh bien, le 21 février 1431, par exemple, en France, dans la chapelle royale du château de Rouen, première séance publique du procès de Jeanne d'Arc. Alors, dans le petit livre que j'ai sous les yeux, c'est écrit Jeanne d'Arc, mais bien entendu, il s'agit de Jeanne d'Orléans, hein, qui s'appelait comme ça, normalement, parce qu'elle était la fille de la reine de France et de son beau-frère, le duc d'Orléans, le régent, parce que le roi n'était plus fréquentable depuis un certain temps. Alors, elle est venue habiter chez Jacques d'Arc, on l'a amenée chez Jacques d'Arc, alors qu'elle était toute petite, une nuit. Les voisines ont été étonnées de voir que Jeanne Romée avait eu une petite fille pendant la nuit, alors qu'elle n'était pas tellement enceinte la veille. Hein. Voilà. Alors, 1525, Allemagne. Les paysans révoltés se regroupent entre Lindau et Constance et forment la bande du lac. 1709, en France, halte à l'expression libre. Pendant ce terrible hiver, le Parlement ordonne la destruction des théâtres de la foire de Saint-Germain. Reconstruits le lendemain, ils seront redétruits. 1900, Égypte. Fin de la grève dans les manufactures de tabac. Les stocks s'épuisent, les patrons cèdent quelques avantages aux ouvriers. L'association ouvrière, née pendant cette grève, continuera son activité. 1905, Belgique. Suite à la grève des mineurs de la Roure, 80 000 mineurs belges entrent dans la lutte. 1934, Nicaragua. Sandino, le général des hommes libres, est lâchement assassiné par la garde nationale de Somoza. 1916, France. Bataille de Verdun. Des centaines de milliers de Français et d'Allemands deviennent de la chair à canon. Pour qui ? Pourquoi ? Donc, 1916, France. Bataille de Verdun. Des centaines de milliers de Français et d'Allemands deviennent de la chair à canon.

Irakien, il est grand temps d'annexer le Khouzestan. Et toi, l'Iranien, j'espère que tu ne vas pas te laisser faire. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Vous aurez des femmes en ribambelle, et bien entendu même les pucelles, qui dans vos bras se retrouveront nues, n'iront sûrement pas se plaindre à l'ONU. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? En action, à la tête de la République, plus tard, celles de présidents successifs sont incompatibles avec le règne absolu et désastreux des partisans. Voulez-vous élire vous-même votre président au suffrage universel ? Alors que les élections générales se profilent pour 2022, la situation politique en France est plus que jamais éclatée. Politiquement, les partis ne se sont pas encore remis de la déroute de 2017. Idéologiquement, les lignes se brouillent. Pécresse, Zemmour et Le Pen semblent sur la même longueur d'onde. Il faut ressortir le Karcher, il va falloir nettoyer tous ces quartiers qui sont devenus des zones de non-droit, voire même parfois des zones de non-France. Malgré cet éclatement du paysage politique, un sujet reste au centre des débats, la gestion jupitérienne du pouvoir par le président Macron. Emmanuel Macron is Jupiter. De Mélenchon à la droite traditionnelle, de l'UDI à Le Pen, l'hypercentralisation des décisions de l'avenir de ce pays dans les mains du président est un sujet qui préoccupe les Français. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Non. Dans cette série de vidéos, nous allons justement essayer de décrypter, analyser et comprendre les grands enjeux de cette présidentielle. Comment les institutions fonctionnent-elles ? C'est quoi la démocratie ? Pourquoi, alors que la France est la patrie des droits de l'homme, la démocratie et le pluralisme semblent autant en danger ? Qu'est-ce que l'élection directe du président a fait à notre vie politique. Alors je sais ce que vous allez me dire, hein. Ça a fait Benalla, les gilets jaunes, la réforme des retraites, la loi sécurité globale, passe sanitaire, passe vaccinale, la convention citoyenne sur le climat, le grand débat, le confinement, le couvre-feu, les attestations, le monde d'après. Merde quoi ! Et le problème est plus large. C'est pas juste Macron, c'est comment sont élus les présidents en France. Bienvenue dans ce nouveau format de Blast que nous avons baptisé... Bon, pour les présidentielles, vous voyez le tableau, hein. C'est tous les 5 ans, ils promettent d'être féministes, écolos, et puis, une fois élus, ils font le contraire, voire pire, tous des menteurs, des escrocs, des voleurs. Retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Mais on va commencer par rappeler que le président est élu au suffrage universel direct. Universel parce que c'est tout le monde qui vote, tous les citoyens. Direct parce que c'est les citoyens qui décident directement. C'est nous qui mettons un petit bulletin avec le nom du président dans une enveloppe. Pas de nom du tout, hein. Même si pour l'instant ça sert pas à grand chose le vote blanc. Pour revenir à nos oignons, ça n'a pas toujours été comme ça l'élection présidentielle. C'est en réalité assez récent dans l'histoire républicaine française. Ce n'est que depuis 1962 qu'on élit directement les présidents. Avant 62, le président était élu au scrutin universel indirect. C'est-à-dire que le peuple ne votait pas directement pour le président. Il votait pour des élus. Des députés, des conseillers municipaux, des conseillers généraux, qui eux-mêmes votaient pour le président. C'était un peu comme les sénateurs aujourd'hui. Du fait de ce suffrage indirect, le lien entre le président et le peuple était assez lointain avant 62. Certes, ça pouvait présenter quelques problèmes démocratiques, mais ça avait aussi quelques avantages. Comme tenter de limiter les ambitions présidentielles. On n'est pas élu directement par le peuple, c'est plus dur de prétendre en être le seul porte-parole. Mais alors, que s'est-il passé pour que ça change ? En 62, ça faisait presque 4 ans que le général de Gaulle était président. Et donc, comme je viens de le dire, il était élu par un collège élargi, environ 80 000 électeurs. Mais pas directement par le peuple. Or, cette situation d'illégitimité gêne le général depuis longtemps. De Gaulle a toujours eu un complexe du sauveur de la France. Il voulait être cet ange gardien directement choisi par le peuple et mandaté par lui pour le représenter et le protéger. Déjà en 46, il rêvait d'un régime quasi-présidentiel avec lui comme chef de l'État. Mais les Français, eux, à l'époque, n'en ont pas voulu. Et du coup, De Gaulle est allé bouder à Colombey les deux églises en attendant sa revanche. Vous savez, c'est là que Nadine Morano et toute la droite va quand elle a un coup de blues. En 1958, après une dizaine d'années très douloureuses pour la 4ème République, embourbée dans des conflits atroces comme l'Indochine et l'Algérie, un cartel de généraux félons organise un coup d'état militaire à Alger. Le général de Gaulle voit alors son heure de gloire arriver. Enfin, sa nouvelle heure de gloire. Il y avait déjà eu... Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libérée. Il est supplié par le président de l'époque, René Coty, de venir à la rescousse de la France. C'est notre Raïs à nous. C'est monsieur René Coty. C'est comme ça qu'en juin 58, avant de devenir président de la 5e, de Gaulle est nommé premier ministre de la 4e. Il résout la crise et apaise la situation. Et c'est là qu'il fait revenir son projet déjà rejeté en 46. Mais de Gaulle ne peut pas tout décider tout seul, du moins pas encore. Il est obligé de négocier. Le projet qui aboutit, c'est la 5e République de 1958. Celle-là même où le président est élu par ce collège élargi au scrutin indirect, les 80 000 électeurs dont je parlais plus tôt. C'est un demi-échec de prime abord. Mais n'oublions pas que le bon général a été formé à la grande stratégie. Un petit repli tactique pour conforter ses positions n'est pas un mauvais coup. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il profite des gains qu'il a pu obtenir en 58 pour capitaliser sur sa personne et accroître encore sa présence et son aura. Soutenu dans son entreprise par son fidèle de toujours et président de l'Assemblée nationale, Chaban Delmas, il domine la politique intérieure avec son nom. Et ce même Chaban Delmas, lors du congrès du mouvement gaulliste en 1959, assène à qui veut l'entendre sa nouvelle et subversive théorie, le « domaine réservé du président ». Selon Chaban, le président disposerait de matières qui lui seraient réservées. La diplomatie, les armées, la dissuasion nucléaire. Or, rien de tout cela n'est dans la Constitution. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Hey, hey, hey. On commence à ancrer dans l'esprit des Français une certaine vision de la fonction présidentielle. De Gaulle arrive donc à capitaliser sur son nom. Il a mis fin à la guerre d'Algérie, à l'instabilité parlementaire et il engrange de beaux succès économiques. C'est ainsi que désormais, le général peut passer à l'action. Et un attentat contre sa personne va accélérer le processus. En août 62, la tentative d'attentat du petit Clamart lui confère une aura charismatique supplémentaire. Et c'est ainsi qu'en septembre, il engage sa responsabilité personnelle sur le projet de se faire réélire directement par le peuple et non plus par le collège élargi. Se pose alors la question des moyens. Comment fait-on pour changer le mode d'élection du président de la République? Franchement, en vrai, on n'est pas loin de « c'est moi le chef maintenant et tout le monde ferme sa gueule ». Sauf que son problème, c'est le mode d'élection des gouvernants, président ou parlementaire, qui est particulièrement protégé. Bah, normal. Faut pas qu'on puisse le modifier tous les 4 matins. C'est pour ça que le mode d'élection est inscrit dans la Constitution, la forme la plus haute de reconnaissance juridique, expression suprême de la volonté solennelle du peuple. Et d'ailleurs, c'est à peu près partout pareil dans le monde. En France, ce mode d'élection est prévu à l'article 6 de la Constitution de 1958. Pour que De Gaulle soit directement élu par le peuple, il faut donc la réviser. Mais c'est là où le tableau s'obscurcit. La 5e République, que le peuple français a adoptée directement à plus de 82% en 58, donne des conditions de révision précises, notamment pour éviter que la déroute de 1940 puisse se reproduire. Vous savez, ce moment où l'État s'est autodissous et a donné tous les pouvoirs à Pétain. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. En 1962, les souvenirs de Vichy sont beaucoup plus frais qu'aujourd'hui, et il faut donc que le projet de révision constitutionnelle soit adopté par les deux assemblées. Le Sénat, élu indirectement, mais aussi et surtout l'Assemblée nationale. En 62, les députés qui y siègent sont encore les seuls à être directement élus par le peuple. Et c'est là où le plan de De Gaulle prend un tournant plus baron noir. L'Assemblée et le Sénat, pourtant tous les deux dominés par une majorité de droite, font savoir qu'ils refuseront de changer la Constitution pour qu'on élise le président au suffrage universel direct. Ils considèrent cela comme un pas dangereux vers des institutions moins démocratiques. On se demande ce qu'ils entendaient par là. Hein. Il y a la question du vote blanc. C'est une question qui depuis longtemps travaille notre démocratie. Elle n'est pas négligeable. Et à juste titre, les gens qui votent blanc nous disent « je veux être entendu, je veux que ce soit pris en compte ». Est-ce qu'il faut lui donner une reconnaissance particulière ? J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne la retiendrai pas. Nos députés, à l'époque, s'opposent fermement à ce projet de monarchie présidentielle. De Gaulle est bloqué et son plan prend l'eau. Impossible de réviser légalement la Constitution parce que les élus du peuple s'y opposent. Allez dire à l'Élysée que notre admiration pour le passé est intacte, mais que cette Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République. Pas des Playmobil, les députés à l'époque. Contrairement à aujourd'hui, tout le monde ne considérait pas encore le président comme le chef suprême de la nation. C'est alors que le général a l'idée de faire ce que la plupart des dictateurs font, organiser un référendum. Voulez-vous, dorénavant, élire vous-même votre président au suffrage universel ? Alors, tout le monde se dit qu'un référendum, a priori, c'est démocratique. Pas vraiment un truc de dictateur, hein ? Bah, ça dépend. Dans ce genre de référendum, il suffit de paralyser les oppositions. Autrement dit, s'assurer de ne pas être haï par plus de 50% des Français qui auront voté. Et pour ça, il y a la propagande. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. la France du général de Gaulle. Les députés, qui sont les seuls représentants directs, sont taxés de n'avoir que leurs intérêts et ceux de leur parti à cœur. En action, à la tête de la République, plus tard, celles de présidents successifs sont incompatibles avec le règne absolu et désastreux des partisans. Le 49-3, c'est vous ! D'ailleurs, cette culture antiparlementaire est toujours bien vivante aujourd'hui. Il est une mesure depuis longtemps souhaitée par nos compatriotes qu'il me semble indispensable de mettre en œuvre. La réduction du nombre de parlementaires. Quand le général annonce un référendum pour réviser la Constitution afin d'être élu directement par le peuple, le Parlement s'y oppose vigoureusement. Une mobilisation transpartisane se met en place sous la houlette du président du Sénat de l'époque, Gaston Monnerville. Tous les partis représentés au Parlement, à l'exception des gaullistes, font bloc contre ce projet. Et, chose inédite dans l'histoire de la Ve République, l'Assemblée nationale utilise la censure, le seul outil dont elle dispose pour contraindre l'exécutif à revoir sa copie. Pour la première fois, et jusqu'à ce jour la dernière, le gouvernement de la Ve République est congédié par les députés. Ambiance genre... Mais dehors les Romano ! Mais De Gaulle s'y attendait. Il faut reconnaître que le général était un fin stratège. Alors qu'il est publiquement et totalement désavoué par les représentants du peuple, alors que son gouvernement a été censuré, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale. En dissolvant l'Assemblée, il s'assurait d'avoir le palais Bourbon vidé de ses députés. Dissous, ils ne peuvent se réunir. La législature est arrivée à son terme. Son terme prématuré. Il décide alors de se passer du consentement des élus directs du peuple en détournant une procédure qui fait illusion de façon bien pratique. Le référendum législatif. Alors comme c'est un peu technique, on est allé chercher pour vous un super pro des trucs techniques. Le spécialiste des trucs techniques présente le référendum législatif. Prévu à l'article 11, il permet au président, sur proposition du Premier ministre, de soumettre au peuple un projet de loi concernant l'organisation des pouvoirs publics, entre autres. Le problème, c'est que la Constitution a explicitement prévu une partie entière consacrée à sa propre révision. C'est l'article 89. Avec cette procédure, on commence par consulter les élus du peuple, on discute et les deux assemblées doivent voter en termes identiques le projet. Puis une fois que les représentants du peuple sont d'accord, le président a deux options. Soit le soumettre de nouveau au Congrès, la réunion solennelle des deux assemblées pour un vote aux 3/5, soit il peut en faire un référendum. C'est comme ça qu'on a fait en l'an 2000 pour le passage du septennat au quinquennat. C'est quand même pas compliqué. Pas non plus à répéter 15 fois. Voilà. Des questions ? C'était le spécialiste des trucs techniques. On voit ainsi que même dans la procédure prévue par la Constitution, le peuple peut tout à fait être consulté. C'est pour cela que l'article 11 et son référendum sur les pouvoirs publics n'a rien à voir avec la révision de la Constitution. Et ça coule de source. Si la Constitution a une partie littéralement appelée « de la révision », c'est là qu'il faut chercher pour réviser. Et pas dans l'article 11 qui sert essentiellement à passer des lois normales directement par le peuple. Et c'est ainsi, alors même que c'est interdit, que De Gaulle utilise une simple loi pour modifier la Constitution et amender l'article 6 pour se faire élire personnellement et directement par le peuple. Et personne ne l'a arrêté. Bah, légalement, plus personne ne pouvait. Le Sénat n'en a jamais eu le pouvoir et l'Assemblée était déjà dissoute. De Gaulle a fait un coup d'État. D'ailleurs, pendant longtemps, les forces de gauche ont considéré ce passage au suffrage universel direct orchestré par De Gaulle comme un coup d'État. Oui, le changement de 1962 était illégal. Tout le monde s'accorde à le dire, c'était interdit. Le Conseil d'État l'a dit, à la quasi-unanimité, le Conseil constitutionnel aussi, dans une consultation officieuse, les deux chambres du Parlement, et plus généralement, tous les partis politiques. Sauf les gaullistes, évidemment. Cependant, ce mode d'élection s'est reproduit et répété au fil des années, et il est désormais largement admis que l'article 6 de la Constitution prévoit bien l'élection du président au suffrage universel direct. Biberonné par une propagande d'État, le peuple français a validé son référendum, contrairement à ce qu'il avait répondu en 46. Puis, il a élu De Gaulle président au suffrage universel direct, avant de lui donner sa majorité à l'Assemblée nationale. Et là, triple coup de soufflet. La violation de la Constitution entérinée, la présidentialisation des institutions validée, la défaite du Parlement consommée. On croit toujours que les coups d'État, c'est chez les autres, mais ça a bien eu lieu chez nous en 62. Vous vous rendez compte de ce que ça a fait à la démocratie ? Parce qu'elle est là, la question de fond. Aujourd'hui, les élections sont dans la pratique considérées comme valides. Mais 1962 pose évidemment des problèmes démocratiques majeurs. Si le recours au peuple est par principe une bonne idée en démocratie, il faut toujours se souvenir que les constitutions ne sont pas là pour décorer. Non seulement elles sont la volonté directe du peuple, mais elles servent à empêcher justement ce genre de manœuvre. le peuple, en 58, a décidé d'adopter une procédure de révision de la Constitution particulière. Et cette procédure, vous imaginez bien qu'elle n'était pas là pour faire joli. La Constitution, par les pouvoirs qu'elle donne aux hommes politiques, doit être solennellement protégée. Cet abus de pouvoir, loin d'être une consécration de la souveraineté du peuple, est encore une fois le stigmate des caprices présidentiels. Faut par ailleurs souligner la violence des procédés politiques employés par le général. Au lieu de discuter, dissoudre, au lieu de négocier, passer en force. Tout ça pour accroître encore et toujours son pouvoir personnel. La France du général de Gaulle. Les peuples souverains adoptent des constitutions pour limiter, encadrer et contrôler le pouvoir de leurs représentants. Et en démocratie, il n'y a rien de plus grave qu'un militaire à la tête de l'État qui viole la Constitution pour la réviser et changer les règles de son propre poste, qui méprise et piétine le Parlement et qui préfère le coup de force à la négociation démocratique. Et même si le peuple a effectivement plébiscité ce mode d'élection, le problème n'est pas là. Il est dans l'abus de pouvoir dangereux dont cet acte est devenu le modèle pour les présidents suivants. Et c'est là le problème de fond. Les gouvernants doivent être surveillés et contrôlés. Leurs compétences doivent être limitées et la concurrence entre les pouvoirs doit être mise en place pour éviter qu'ils n'en abusent. Sans de forts contre-pouvoirs, les gouvernants font ce qu'ils veulent et piétinent les constitutions que les peuples ont directement érigées pour se protéger. C'est un peu ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Plébiscité par 66% des voix et porté par une majorité parlementaire dans la foulée, Macron a estimé qu'il avait un blanc-seing pour diriger la France. Alors qu'en réalité, la majorité des Français s'est contentée de faire barrage à l'extrême droite en mai 2017, puis s'est désintéressée des législatives. Comme le prouve le taux d'abstention record en juin de la même année, 51,3%. 62 est la première marche des nombreux dysfonctionnements de la 5e République aujourd'hui. C'est l'affaire trop peu connu mais banal, d'un militaire en fin de carrière qui viole la Constitution et piétine les élus directs du peuple pour accroître son propre pouvoir. Faire attention avec les référendums, ça peut vite déraper. Le problème avec le référendum de 1962 n'est pas qu'on en ait appelé au peuple pour réviser la Constitution, c'est justement une option qui est possible, après la discussion avec le Parlement. Le problème de ce référendum, c'est qu'il a été instrumentalisé par un gouvernant pour concentrer encore plus de pouvoir sur sa personne au mépris des décisions fondamentales que le peuple avait prises 4 ans plus tôt, à savoir la Constitution de 1958. Le référendum, c'est la pilule pour faire avaler le crime. En 62, ça semblait impensable que le général puisse se comporter de la sorte. Le libérateur de Paris, le héros de la Seconde Guerre mondiale, ne pouvait pas faire un coup d'État. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? Et pourtant, les faits sont têtus. En 62, les Français sont en état de choc et refusent de croire à ce qui se passe. Et cet effet de torpeur, de sidération, a bien été compris par les gouvernants. On peut gouverner par la transgression. D'ailleurs, ces comportements se sont répétés. Immixtion du président dans la politique intérieure, puis dans la révocation du premier ministre, puis même dans ce qui est signé en Conseil des ministres, pour aboutir dans la double figure sarkozienne et macronienne d'un président jupitérien, décideur de tout, mais responsable de rien. En somme, la Ve République, c'est un peu l'histoire du syndrome de Stockholm. Les présidents ne cessent d'abuser de leur pouvoir, de piétiner les droits du peuple, de leurs représentants au Parlement et ailleurs, et parviennent, malgré tout, à persuader les Français que tout ceci n'est que pour leur bien. Aujourd'hui, cette culture présidentielle lancée par De Gaulle compte de nombreux héritiers. Macron avec les Gilets jaunes, la Convention citoyenne pour le climat et la destruction de l'hôpital public en pleine pandémie. Mais aussi Zemmour, car si le président Macron maintient encore un attachement verbal à une démocratie de façade, on a vu que le polémiste reconverti était beaucoup moins complexé à l'idée de gouverner par la force. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui dirigera le pays si je suis président. Mais ça veut dire quoi? Vous avez dit cette phrase. Oui, il y a des règles de droit, mais il y a aussi le peuple. Et donc, mais le peuple a besoin du droit pour le protéger. Non, le peuple n'a pas besoin du droit pour lui dicter. Le peuple n'a pas besoin du droit pour le protéger. Le peuple n'a pas besoin du droit pour lui dicter sa politique. En gros, si on agite la légitimité du peuple, on peut faire ce qu'on veut. C'est le piège des présidentielles. Les Français risquent de mettre ou remettre au pouvoir pour 5 ans un individu qu'ils ont pourtant majoritairement rejeté, des programmes qu'ils ont détestés et un régime qui les maintiendra encore bâillonnés. 2002, 2007, 2012, 2017, 2022, c'est encore et toujours la même histoire. Ainsi se noue une relation toxique et dysfonctionnelle entre le peuple et le pouvoir. Toujours déçus, mais toujours en quête du sauveur parfait, les Français admirent et chérissent leur ravisseur. Bon, c'est vrai que ce constat peut paraître désespérant. Mais faut quand même retenir de tout ça que le pouvoir, il est entre nos mains. Allez, je vous laisse avec une petite citation inspirante, genre « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Abonnez-vous et faites un don à Blast. Da vida bela melodia, treplatizante eladi, sed vines orgas pri musica bruia. Dissonis tiel, bela tril, minora fal, majora bril, hesitas la redica in versas, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Vi credes firme, cae venis la prove, shibani sim. En oracov, chia beletso achandis, tion tuie. Chilasses vin, en iu cantin, comprenis coron, conqueris vin, cae via e lipo e flustris, aleluia, aleluia. Alexis, heureuse de vous retrouver dans cette matinale d'RT France. Alors, il y a la polémique sur le maintien des masques à l'école. Pour l'instant, les mesures Covid qui se succèdent et toujours une difficulté à comprendre, en tout cas, les mesures sanitaires de la part des Français. Oui, parce que ces mesures sanitaires, elles évoluent, elles changent, mais surtout, on a l'impression que c'est un jeu. On ne comprend plus, en fait, les choix de l'exécutif dans la façon de maltraiter les Français pour leur bien, pour les protéger. On a vu ces derniers jours des parents d'élèves se lever contre l'obligation du masque à l'école pour les plus jeunes, qui porteraient plus de 8 heures, 10 heures par jour le masque, y compris dans les cours de récréation. Alors, cette semaine, un rendez-vous est prévu pour alléger le protocole à l'école après les vacances scolaires. Les tests également, autotests des enfants qui étaient intenables pour la plupart des familles. Donc tout ça va changer, il serait temps. Et puis la question bien sûr d'une infection égale une injection d'Olivier Véran, qui est un aveu d'échec finalement, puisque les Français ont boudé la troisième dose imposée pour conserver son pass vaccinal et ne pas être désactivé. Et on voit bien que rétropédalant, le ministre, pour ne pas perdre la face, a finalement décrété que eh bien, après tout, si vous avez Omicron, ça vaut bien une piqûre et vous garderez votre pass. Mais si vous n'avez pas fait de piqûre auparavant, vous n'en n'aurait pas de passe. Bref, beaucoup de vidéos comiques qui circulent à ce sujet sur Internet parce que les Français en ont marre, comme la plupart des Européens. Ça fait 2 ans que ce cirque dure et on voit bien qu'il n'y a plus rien de sanitaire là-dedans finalement, à part avoir rendu les gens peureux, inquiets de montrer leur QR code de manière perpétuelle ou de le perdre au grand malheur si jamais ils refusaient une injection. Dieu merci, Olivier Véran, dans un grand geste d'amitié, a décidé de rendre possible de conserver son passe après seulement 2 doses. Oui, et à cela s'ajoute le coût pour les finances publiques de la gestion de la crise sanitaire, avec le recours important, on l'a dit, au cabinet de conseil. Est-ce que c'est justifié ? Oui, alors c'est vraiment là que le bât blesse. 26,8 millions d'euros dépensés par le ministère de la Santé pour le cabinet McKinsey. Et il y a d'autres cabinets de conseil. Hein. La facture s'élèverait à plusieurs millions. Pourquoi ? Pour des conseils. Des conseils d'ingénierie sociale pour, par exemple, inventer ce pass sanitaire, pour travailler sur la vaccination des enfants. Dès le mois de janvier, un nouveau contrat a été signé avec McKinsey pour, justement, inciter à la vaccination des enfants. Et quand on demande à Olivier Véran, mais à quoi servaient tous ces contrats ? Il lui dit, mais vous savez, on n'avait pas les moyens de travailler, donc on a dû faire un recours massif aux cabinets de conseil. Le problème, c'est que ces cabinets de conseil sont des entreprises privées, souvent étrangères, et qui ont accès aux données de l'État français, aux données de santé des Français, qui peuvent finalement tout savoir de nous et qui conseillent le gouvernement, qui finalement obéit à des invectives. Et McKinsey, comme tous les autres cabinets de conseil, sont aussi pieds et poings liés avec le sommet économique, le Forum économique mondial de Davos. C'est eux qui écrivent ce Great Reset de Klaus Schwab. Donc, en fait, ils conseillent également l'entreprise pharmaceutique. McKinsey, par exemple, est un des cabinets de conseil les plus réputés dans le secteur pharmaceutique. Or, certains cadres de Sanofi et autres disaient, vous savez, McKinsey, ça coûte très cher et généralement, les rapports servent à créer les rapports d'après. Donc, c'est un système qui s'auto-entretient. Donc, quand l'État tombe dans le piège du cabinet de conseil, il n'en sort plus. Et qu'est-ce que ça dit ? Ça dit un manque de moyens crucial, un manque de compétences également. À quoi sert Olivier Véran ? Pourquoi payons-nous Olivier Véran avec nos impôts, en plus de payer avec nos impôts des cabinets de conseil ? Et puis, payer 26,8 millions d'euros McKinsey pour qu'il emmerde les Français avec le pass vaccinal et que ça dure comme ça pendant 2 ans, je crois que c'est pas de l'argent forcément bien dépensé. En plus, il y a un conseil scientifique en plus, mais bon. Et la plupart des rapports de McKinsey vont au conseil scientifique, bien sûr. C'est sur ces rapports-là que s'appuie le conseil scientifique pour ensuite fermer, ouvrir, décréter des confinements, s'attaquer aux non-vaccinés. Bref, il y a une vraie faillite là du gouvernement. Ouais. Ailleurs en Europe, en tout cas, les pays, certains pays abandonnent les mesures de privation et de liberté et les passes sanitaires en tout genre, mais pas encore en France. Pourquoi ? Bonne question. C'est vrai qu'on voit partout un mouvement populaire. Au Canada, le convoi de la liberté. Alors, ça fait peur à ces gouvernements, à ces young leaders qui sortent eux aussi du World Economic Forum, qui se rendent compte que le plan, l'idée de faire la même chose dans tous les pays avec justement l'aide des cabinets de conseil pour faire que les process soient les mêmes, que la sortie de crise soit à peu près tout le temps la même, que la vaccination soit partout la même, ça ne marche pas. 2 ans après, les populations sont fatiguées. Elles sont surtout excédées de voir l'inanité des politiques public, de voir aussi qu'il n'y a plus rien de sanitaire aujourd'hui, alors que la vague Omicron baisse, alors que on a plus affaire à une épidémie de non-vaccinés. Vaccinés comme non-vaccinés sont porteurs du virus. Certains se retrouvent aussi à l'hôpital avec des formes sévères. Donc il y a là un vrai problème de fond sur la façon dont les gouvernements ont géré de manière coercitive le contrôle des populations, et ça craque de partout. Vous avez montré dans un sujet précédent, en Espagne, aux Pays-Bas, des marches tout le temps, en France évidemment, tous les samedis, et partout, le même message: laissez-nous vivre, on ne peut plus continuer à vivre sous un règne covidiste qui empêche finalement de vivre, sachant que maintenant nous avons des traitements, des vaccins et des hôpitaux qui, s'ils craquent, ce n'est pas la faute du Covid. À Perpignan, un hôpital de campagne vient d'être monté. Pourquoi ? Parce qu'on manque de bras, on manque de lits tout simplement, et ce n'est pas le Covid qui fait qu'on manque de soignants à l'hôpital public. Merci beaucoup, c'était l'édito politique d'Alexis Poulain. Sans doute mon amour, on n'a pas eu de chance, il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir endette en plus facile, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernier culbute, une balle en plein front, sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères, malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre, il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. Et sur la mort de Jean Moulin, il y a toujours le mystère. Qui l'a dénoncé ? Est-ce que vous pensez qu'un jour les secrets vont sortir, qu'on saura la vérité ? Absolument, absolument. C'est-à-dire que, dites-vous une chose, c'est que les archives sont bloquées jusque dans les années 2025-2030. C'est-à-dire qu'il faut que tous les gens soient morts. Quand je serai mort, eh bien, à ce moment-là, au bout de 2, 3, 4 ans, enfin, je ne sais pas à quel âge je mourrai, mais enfin, c'est-à-dire, ça c'est... Ah oui, parce qu'à ce moment-là, vous avez toutes les archives américaines, les archives anglaises, soviétiques, allemandes, françaises, qui sont ouvertes. Et ça, là, vous avez... Alors, comme c'est un travail d'historien, ben, il faut aller voir toutes ces archives. C'est long de lire les archives. Moi, vous savez, j'ai passé quand même plus de 3 ans aux archives nationales, rien qu'aux archives nationales. Mais je suis allé en Angleterre, je suis allé en Amérique, je suis allé en Allemagne. C'est très long, faire le livre sur Moulin. Mais vous, dans votre livre... Je ne veux pas dire que vous accusez, mais on met le réflecteur sur Bénouville. C'est quand même... Oui, mais si vous voulez, là alors, il y a une chose. C'est que, étant donné le poste que j'avais, je pense que personne n'aurait accepté, et d'ailleurs pas moi, que je dise en tant qu'acteur ce que je pense. Ce que je crois. Mais, je dis bien, ça n'a aucune valeur historique. Parce que pour que ça ait une valeur historique, il faut attendre la sortie des documents. Et les documents, il faut que vous attendiez 60 ou 4, 70 ans, 80 ans, pour que ça que les historiens les publient, etc. Oui, mais mon vieux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Il faut aller en Amérique, il faut... Non, mais je vous parle des vrais historiens, de ceux qui regardent les archives. Et moi, je suis allé à Moscou pour aller voir. Les Narski venaient d'ouvrir, mais il n'y avait pas du tout ce qui m'intéressait. En tout cas, à Moscou, j'avais vu qu'il n'y avait pas. À Moscou, vous avez vu qu'il n'était pas agent du KGB. Enfin, évidemment que comme, mais ça, c'était universel. C'est universel. C'est que, bon, quand vous avez des événements comme ça, ben, c'est fini. C'est fini. On met tout dans les archives, mais ça ne permet pas de considérer l'ensemble. Donc là, vous avez le témoin en tant qu'acteur qui a une certaine idée, mais il est influencé par, bon, des tas de choses. Donc, pour moi, bon, je pense que Bénouville a un rôle, je pense que Hardy est le coupable, mais ça n'a aucune valeur de l'histoire, aucune valeur. C'est ce que je pense. Mais en tant qu'acteur, vous comprenez, j'ai passé quand même 2 ans en France et tout ça, bon, je connaissais tous ces gens, j'ai travaillé avec eux, j'ai été au milieu de tout ça. Bon, bah, j'ai une opinion sur les uns et les autres. Bon, évidemment que Brossolette, je sais ce qu'ils pensent de moi, mais aussi, moi, je sais. Non, mais c'est marrant que maintenant Brossolette et Jean Moulin sont au Panthéon. Oh, ouais. Ils doivent s'engueuler l'un sur l'autre. Oui, ça, je dois vous dire que, bon, je n'ai rien dit, parce que ça, c'est le président de la République qui choisit. Mais je suis choqué que Brossolette aille au Panthéon. Oui, je suis choqué. Non, parce que il n'y a pas... C'était un homme courageux, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais enfin, l'ensemble de ceux qui sont battus étaient plutôt des gens courageux. Donc, c'est pas ça. Mais non, je suis choqué. Mais bon, je n'ai rien dit. Mais de toute façon, vous dites tout ça dans vos livres. Tout ça, c'est écrit dans vos livres. Ce que vous venez de dire, il suffit de lire. Et vos livres ont eu beaucoup de succès, donc votre opinion a quand même... J'ai essayé de dire vraiment la vérité de ce qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, ben, pour moi, voilà, c'est parce que c'est Hardy... C'est pas comme ça. Mais ça, je ne peux pas l'écrire en tant qu'historien. Parce que là, il faut attendre. Mais là, peut-être qu'on va découvrir, je ne sais pas quoi. Mais on saura la vérité. On saura la vérité. Et de même sur la mort de Jean Moulin, sur les... Tout ça, enfin, actuellement, c'est approximatif. Enfin, je pense qu'il est mort dans le train et tout ça, mais tout ça, c'est pas des choses. Il faut avoir les documents allemands. Et c'est avec les documents allemands, il n'y a aucun doute. Et vous voyez, quand j'étais en Allemagne et que j'ai trouvé ces documents. Quand l'armée allemande a occupé Chartres, j'ai trouvé quand même ces documents, ben ça, il n'y a pas d'erreur, c'est ce que les officiers qui habitaient dans la préfecture avec Jean Moulin pensaient de Jean Moulin, de ça et de ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le Bénouville, ça, entre guillemets, hein, je veux dire l'instigateur, fini avec des honneurs, directeur de journaux, milliardaire, avec une vie de pacha, et qu'il n'y a pas de punition, voilà, je trouve que c'est injuste, il y a un côté, et je ne sais plus qui... Ah oui, mais ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie de tout le monde. Et c'est pas... Je ne sais pas, je ne crois plus. Donc, pour moi, quand mon dernier souffle, ça sera fini, je suis dans une boîte et puis je pourrai me reposer pour l'éternité. Et,

Les dirigeants d'EDF n'y croyaient pas. Allô, Henri Proglio ? Oui. Bonjour. L'ancien PDG Henri Proglio a refusé notre demande d'interview, mais au sujet des renouvelables, voilà ce qu'il nous a déclaré. Ce n'est pas ma tasse de thé, j'en ai fait parce qu'il fallait en faire. En novembre 2014, un nouveau PDG est nommé, Jean-Bernard Lévy. L'année suivante, il lance le plan Cap 2030. La transition énergétique est en marche. Avec Cap 2030, EDF accélère le développement des énergies renouvelables. Mais là encore, dans les coulisses de l'entreprise, le discours serait un peu différent de celui affiché. Un homme a bien voulu nous raconter. Parce que là, j'ai tous mes dossiers nucléaires. En 2014, Gérard Magnien est nommé au conseil d'administration d'EDF par le gouvernement de François Hollande. Lui qui a consacré sa vie à promouvoir la transition énergétique comprend vite que chez les dirigeants d'EDF, les énergies renouvelables n'auraient pas la cote. On entend des petits morceaux de phrases du genre « Nous sommes une entreprise nucléaire » alors qu'on est une entreprise d'électricité. Hein ? On entend que notre problème, ça va être la concurrence des énergies renouvelables. Et d'ailleurs, le mot « énergie renouvelable » n'est pas souvent utilisé. On parlait des énergies intermittentes subventionnées plutôt que de parler des énergies renouvelables. C'était la preuve d'un certain mépris pour les énergies renouvelables, en fait. Selon lui, les dirigeants d'EDF veulent bien investir dans les renouvelables, mais surtout à l'étranger. La France, chasse gardée du nucléaire, serait loin d'être une priorité. En France, il fallait pas trop déranger le système avec les renouvelables. C'était un petit peu ça, la demande. Même le directeur à l'époque des énergies renouvelables n'était pas du tout convaincu que le solaire et l'éolien en France avaient une pertinence. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ben, c'est lui qui me l'a dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Ben, lorsque EDF a lancé Cap 2030, hein, qui était le nouveau projet d'entreprise, ben, je suis allé rencontrer quelques directeurs, dont le directeur des énergies renouvelables de l'époque. Il m'a dit quelque chose du genre, faire du solaire, par exemple, en France ou en Europe occidentale, c'est juste de la bêtise. Voilà. Incident, pression, mais surtout perte de compétences. La sous-traitance semble devenir un problème. C'est un sujet un peu tabou chez les dirigeants d'EDF. Ça va ? Mais cet ancien directeur général adjoint a accepté de nous en parler. On a un peu pris cette habitude facile qui consistait à sous-traiter les tâches. C'était un peu une façon de se dire ils peuvent le faire pour moins cher, plus rapidement. Puis moi, je supervise et je contrôle. Et il y a un savoir-faire qui s'est perdu. Avec ça, c'est-à-dire qu'il a filé dans les mains de, et on a perdu cette capacité. Je dis pas partout, mais dans bien des endroits. Ça pour vous c'est problématique. Ah oui, oui, je pense que vous pouvez pas. Enfin, EDF reste une entreprise collée pour l'essentiel à un cœur de métier qui est le nucléaire, et elle doit en maîtriser tous les tenants et aboutissants. De fil en aiguille, finalement, ça a conduit à quoi ? Ça a conduit que on a perdu les compétences. Quand vous exercez plus. Quelques années plus tard, 15 ans, 20 ans, le savoir-faire, il disparaît. De fait. Messieurs, mes chers collègues, nous accueillons maintenant... Un problème qui conduit parfois à des situations ubuesques. Comme l'a raconté au député, ce consultant, auteur d'un rapport sur le sujet. Vous est arrivé parfois de rencontrer des chargés de surveillance EDF qui avaient à se former chez le prestataire pour pouvoir acquérir les compétences dont ils auraient besoin pour les surveiller. Donc, vous imaginez que vous allez surveiller quelques semaines après avoir été formé par une entreprise, les travaux de cette même entreprise qui vous a tout appris en quelque sorte du métier qu'elle va exercer devant vous. L'entreprise en question faisait des... Lors de notre enquête, nous avons découvert que les erreurs sur les vannes de produits chimiques constatées à la centrale de Cattenom par l'ASN ne seraient pas un cas isolé. Nous avons obtenu un courrier écrit par un élu du personnel d'un autre sous-traitant, Endel. En juillet dernier, il alerte sa direction sur des dysfonctionnements graves de l'exploitant EDF. Là encore, ce qui serait en cause, ce sont les erreurs des agents EDF avec les vannes de produits chimiques. Situations dangereuses ou presque accidents se multiplient, écrit l'auteur, qui dénonce un manque de compétence et de rigueur dans le comportement collectif de l'exploitant nucléaire EDF. Il affirme que 6 centrales sont concernées. On va s'aimer le nucléaire à tous les Français. Toute l'Europe, on va décarboner. Ce n'est pas la fête de la musique, mais la fête du nucléaire. Un rassemblement qui promeut l'atome pour lutter contre le changement climatique. Le message, le nucléaire c'est l'avenir, car ça émet très peu de gaz à effet de serre. Au milieu de la foule clairsemée, surprise, un ancien ministre de l'Environnement, Brice Lalonde. Une figure de l'écologie des années 80. Il fut même candidat à l'élection présidentielle de 1981, soutenu par le commandant Cousteau. En bon écolo, il prône alors les économies d'énergie. Il promet surtout la sortie du nucléaire. Et au terme du prochain septennat, si le président de la République était écologiste, il n'y aurait plus de centrale nucléaire en France. À l'arrivée, il fera un peu moins de 4%. 30 ans plus tard, il a bien changé. Monsieur le ministre Brice Lalonde. Il est venu déclarer sa flamme au nucléaire. Il faut arrêter d'utiliser des combustibles fossiles et nous savons que le nucléaire, ça n'envoie pas de CO2. C'est très très simple quand même. C'est 2 et 2 font 4. Et on doit remercier nos prédécesseurs d'avoir créé cet énorme programme contre lequel je m'étais bagarré à tort. Ben voilà, donc si vous voulez, tout le monde peut se tromper. Et c'est quant aux économies d'énergie et à la sobriété, ce n'est plus une priorité. Ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que la décarbonation nécessaire de l'économie, elle va réclamer plus d'énergie, pas moins, plus d'énergie. Et donc tous ceux qui nous surinent sobriété, les gars, on va consommer moins et on va être deux fois plus heureux. C'est pas vrai. Pourtant, consommer plus d'énergie, c'est aussi plus de déchets et des factures qui grimpent. Ce message, Brice Lalonde le martèle depuis quelques années. Mais pourquoi donc pousser à la consommation? L'ancien ministre est aujourd'hui président d'Équilibre des énergies. Une association fondée en 2011 par Jean Bergougnoux, ancien directeur général d'EDF. À l'époque, il avait un but bien précis. Promouvoir le chauffage électrique. Nous faisons, n'ayons pas peur des mots, un peu de lobbying, mais du lobbying d'intérêt général en faveur du vecteur électrique. Car encore une fois, ce lobby de l'électricité, Brice Lalonde en prend la tête en 2018. Alors, au nom de qui parle l'écologiste? Nous nous sommes invités à l'une des conférences de l'association. Bonjour. On est France 2, on s'est inscrit. Devant un public de dirigeants d'entreprise, il reçoit ce jour-là une experte qui défend les transports électriques. La réunion est retransmise sur Internet. À l'issue de la conférence, Brice Lalonde accepte de répondre à nos questions. L'Équilibre des énergies, c'est une association qui rassemble des entreprises du monde du transport, du monde du bâtiment, du monde de l'énergie, et toutes ces entreprises ensemble travaillent à décarboner. Certains disent que c'est un lobby électrique. Forcément, on se pose la question de savoir au nom de qui vous parlez. Est-ce que vous parlez en votre nom d'écologiste, ou est-ce que vous parlez au nom des entreprises qui financent l'association, notamment EDF, dont le métier est de vendre de l'électricité? Je parle au nom de mes convictions d'écologiste, et effectivement au nom du travail collectif que nous faisons ici. Dans notre association, vous avez Volkswagen, Renault, vous avez Bouygues, vous avez Vinci, vous avez La Poste, vous avez la RATP, vous avez Airbus, vous avez Total. EDF est un membre parmi d'autres. Un membre parmi d'autres, pas vraiment. Sur la cinquantaine d'entreprises, EDF est le premier contributeur financier de l'association. 20% du budget à elle seule. Machio, a Kaluku, kokolo, kaluku, dareka ni aeru, kono michi de kawaii kimi ni koe o kakete, konnichiwa boku to yukimasho. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, itsumo nanika suteki na koto ga anata o matsu yo. Oh, Champs-Élysées, kimi o tsurete asobi ni yuko, minna ga atsumaru ano klabu, gita o hiite asama de uta o kanoshiku sawaide koi o suru. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, itsumo nanika suteki na koto ga anata o matsu yo. Oh, Champs-Élysées. Michi o yukeba sekai wa yureru, ai suru kimi to boku no tame ni. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, itsumo nanika suteki na koto ga anata o matsu yo. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, Champs-Élysées, itsumo nanika suteki na koto ga anata o matsu yo. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, itsumo nanika suteki na koto ga. C'est une petite phrase qui a fait le tour du monde. Make our planet great again. En détournant le slogan de campagne de Donald Trump, Emmanuel Macron s'est assuré un succès énorme sur les réseaux sociaux. Jean Tizio, Saitse, Weita. Il est sans aucun doute la plus belle prise de guerre d'Emmanuel Macron. Nicolas Hulot avait refusé la proposition de François Hollande. Cette fois-ci, il accepte de relever le défi. Et le défi de notre génération, c'est d'agir, agir plus vite. Le climat doit être au cœur du projet national et européen. L'état d'urgence climatique, il est là. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Moi, je crois à cette écologie du mieux, pas à cette écologie du moins. J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Emmanuel Macron leur avait promis de reprendre la quasi-totalité des 149 propositions. Pourtant, aujourd'hui, c'est la déception pour les membres de la Convention climat. Ne dites pas que j'ai rien fait ou que je fais que des hashtags. Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président de la République, le président de l'inaction climatique. Make our planet great again. La phrase a fait le tour du monde. Voilà ce que déclarait Emmanuel Macron à peine élu. Il se posait alors en contre-modèle face à Donald Trump, qui avait annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Il devait être le sauveur, le champion de l'écologie, le président conscient de l'urgence qui allait enfin agir. Pourtant, 4 ans plus tard, le 15 décembre 2021, Emmanuel Macron dressait son bilan pendant 2 heures sur TF1. Et pas un mot sur l'écologie. Oui, vous m'avez bien entendu. Rien de la part du président, ni des journalistes qui l'interrogeaient. Alors, qu'est-ce que cela raconte ? 2017-2022. Le temps est passé, mais est-ce que beaucoup de choses ont changé ? Le président l'affirme. Jamais aucun chef d'État n'a autant fait pour le climat. Mais qu'en est-il vraiment ? Il y a eu les sommets pour la planète. I'm here with President Macron, promoting one planet. Make the planet great again. La fermeture des centrales à charbon, la création du Haut Conseil pour le climat, l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, l'interdiction du plastique à usage unique et en même temps. Le fiasco de la taxe carbone, la réautorisation des néonicotinoïdes, la trahison de la Convention citoyenne pour le climat et le détricotage de la loi climat, l'échec sur l'interdiction du glyphosate, la ratification du CETA. En bref, beaucoup de contradictions. Nombreux sont ceux qui dénoncent aujourd'hui le fossé entre l'ambition affichée et la réalité du terrain, entre les paroles et les actes. Alors, est-ce que la politique du gouvernement n'a été que du blablabla? Je vous propose ici un bilan sur l'action de ce quinquennat sur l'écologie. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Quels sont les manquements? Et qu'est-ce qui nous attend si Emmanuel Macron est réélu? Ces dernières semaines, les analyses du bilan écologique se sont enchaînées. Think tank, médias, ONG. Globalement, il est contrasté, voire pas franchement glorieux. Il y aurait tant à dire. Je précise que je ne pourrais pas être exhaustive. L'idée est simplement de vous aider à comprendre ce qui a été fait pendant ce quinquennat pour l'écologie. Un sujet qui est aujourd'hui au centre des préoccupations des Français. Ils sont 85% à se dire inquiets face au dérèglement climatique. Pour faire un bilan, il faut déjà comprendre quel était l'objectif. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. C'est l'effort que la France s'est engagée à faire en alignement avec l'accord de Paris. Et là-dessus, les chiffres ne mentent pas. La France n'a pas respecté sa propre feuille de route pour le climat, la stratégie nationale bas carbone. Elle a dépassé les plafonds d'émissions de gaz à effet de serre qu'elle s'était fixés. Pire, le gouvernement a revu à la baisse ses ambitions pour la période 2019-2023. Le nouvel objectif est de 1,5% de réduction annuelle, au lieu des 2,3% initiaux. Ça ne paraît rien, mais c'est énorme, parce que nous avons peu de temps. 2030, c'est demain. Surtout, là où c'est grave, c'est que le gouvernement s'est autorisé à émettre davantage que prévu, pour ensuite se féliciter d'avoir réalisé ses objectifs. Une pirouette qui n'est pas passée inaperçue. C'est un peu comme si un athlète décidait de baisser la barre avant de sauter pour ensuite se donner une médaille. Et le problème, c'est que cette révision de trajectoire est censée être compensée par des efforts bien plus importants à réaliser après 2024. Un défi qui n'est pas jugé atteignable en l'état si de nouvelles mesures ne sont pas adoptées rapidement. Donc autant vous dire que le prochain quinquennat sera déterminant. Sur la réduction des émissions, le Haut Conseil pour le climat, un organisme indépendant créé par Emmanuel Macron, rappelle dans son dernier rapport annuel que la tendance actuelle n'est pas suffisante. Il faudrait baisser deux fois plus vite nos émissions pour atteindre nos objectifs. Et il n'y a pas que le Haut Conseil qui a épinglé la France. Suite à la pétition de l'affaire du siècle, le tribunal administratif de Paris a pour la première fois demandé à l'État de réparer le préjudice écologique causé par le non-respect de ses engagements et lui a donné jusqu'au 31 décembre 2022. Le Conseil d'État a lui aussi lancé un ultimatum au gouvernement pour respecter ses engagements climatiques. Cette fois, c'est pour le 31 mars 2022. Ça, c'est pour l'avis des institutions officielles. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas juste, que ce gouvernement paye l'inaction des précédents. Mais ce n'est pas la question. Ce n'est plus le moment de se renvoyer la balle, la bombe. L'urgence n'a jamais été aussi visible. Et ce qui importe désormais, c'est l'action. Une action suffisante pour lutter efficacement contre les menaces posées par le dérèglement climatique et la mise en place de politiques publiques de transition bien pensées et justes socialement. Ce n'est pas une question de choix, mais une nécessité. Même pour le think tank Terra Nova, qui n'est pas le plus dur dans son bilan, si Emmanuel Macron est le président qui a fait le plus pour l'environnement, il manque un changement systémique et une volonté politique. Il manque un vrai portage, les moyens et une vision claire des choix de société à faire au regard de la transition écologique à conduire. A expliqué au journal Le Monde, Marine Bro, qui a été conseillère auprès du ministère de la Transition écologique jusqu'en juillet 2021. Venons-en aux détails, et c'est là que le diable se cache. Car si évidemment des mesures ont été prises, elles sont souvent considérées comme limitées, différées dans le temps ou susceptibles de ne pas être pleinement appliquées. En résumé, une écologie qui reste bien souvent à la surface et donne dans la mise en scène. De l'avis de Marine Bro, ancienne conseillère au ministère donc, c'est dans le domaine de la transition agricole que l'on observe le statu quo le plus important. Ici, je voudrais m'attarder sur l'agrochimie. En 2017, Emmanuel Macron annonce l'interdiction du glyphosate, le pesticide le plus utilisé et classé comme cancérogène probable. Deux ans plus tard, rétropédalage. Ah non, j'ai pas changé d'avis, j'ai pas réussi. Le président reconnaît aujourd'hui un échec collectif et rejette la faute sur l'Europe. Cela ne marche pas si on le fait tout seul. Je ne peux pas mettre des agriculteurs dans des impasses et sans solution, a-t-il déclaré aux Parisiens. Pourtant, il est question ici de santé publique. Et récemment, une étude scientifique a révélé que le glyphosate est présent dans l'urine de 99,8% des Français. Sur les 6800 personnes testées, 5400 ont décidé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement et tromperie aggravée. Sur le même sujet, en 2019, les députés de la majorité ont voté pour reporter à 2025 l'interdiction de la production et l'exportation depuis la France des pesticides dangereux vendus en dehors de l'Union européenne. Le même jour, une photo faisait le tour des réseaux sociaux. Ce selfie de Brune Poirson et Gabriel Attal au milieu d'une marche de jeunes pour le climat, au moment même où la loi était votée. Le cynisme poussé à son paroxysme ou la quintessence du « en même temps ». Dernier exemple emblématique sur ce sujet, les néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d'abeilles qui ont été interdits en 2018, avant d'être temporairement réautorisés 2 ans plus tard par les députés de la majorité, pour sauver la filière betterave en prise avec la jaunisse. À l'époque, 150 personnalités de gauche et écologistes avaient pourtant alerté sur le recul démocratique majeur et le contresens historique que constituait le projet de loi sur les néonicotinoïdes, conçu selon eux sous la pression des lobbies de l'agriculture. Ah, les lobbies! Je vous avais expliqué au début de Blast comment ils ont contribué au détricotage de la loi climat issue des propositions de la Convention citoyenne. Ces mêmes lobbies ont d'ailleurs poussé Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique, à la démission en août 2018. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Je me surprends tous les jours à me résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle au moment où la planète devient une étuve mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. À l'époque, Nicolas Hulot avait dénoncé l'influence des lobbies de la chasse, notamment. Et ça n'a pas beaucoup changé. Il y a quelques mois, Willy Schrein, président de la Fédération nationale des chasseurs, se félicitait en déclarant « Globalement, Emmanuel Macron a fait des choses qu'aucun président de la République n'a faites pour la chasse jusqu'ici. » Et c'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait citer le fait que pendant le confinement, les chasseurs ont obtenu une dérogation pour pouvoir aller tirer le sanglier, le cerf ou le chevreuil pendant que la plupart des Français étaient obligés de rester chez eux. Ou encore, le prix du permis de chasse qui a été divisé par 2. Bref, je m'égare. La démission de Nicolas Hulot a donc été un premier révélateur des compromissions du gouvernement sur l'écologie. Selon le réseau Action Climat, le gouvernement n'a pas pour autant enrayé la politique des petits pas. Dans son bilan, il décline secteur par secteur comment le gouvernement a souvent fait un pas en avant pour en faire 2 en arrière. En témoignent les mesures sur la transition agricole. Le gouvernement a développé des aides pour la culture des légumineuses, beaucoup moins émettrices, mais l'utilisation d'engrais azotés de synthèse a très peu diminué. Aucune mesure n'a été prise pour mettre fin à l'élevage industriel, coucou les lobbies, et le taux de 20% de produits bio pour la restauration collective n'a pas été atteint puisqu'il n'est qu'à 5%. En bref, si de légères avancées sont à noter, elles ne sont pas systémiques et ne permettent pas aujourd'hui de remettre en question le modèle productiviste et agro-industriel polluant. Résultat, les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, deuxième plus gros émetteur en France, ont stagné. Et puisque l'on parle de secteur émetteur, devinez qui est en première place. Les transports, avec 31% d'émissions de gaz à effet de serre en 2019. Et pourtant, le secteur stagne aussi, malgré une forte diminution conjoncturelle liée à la pandémie. Les émissions liées aux transports n'ont pas baissé depuis 2008, alors que les efforts de réduction devrait être multiplié par 5 pour respecter la stratégie nationale bas carbone. Et vous le savez sûrement, c'est ce secteur qui est étroitement lié à la pollution de l'air. Une pollution qui causerait plus de 100 000 morts prématurées en France chaque année. À ce sujet, le Conseil d'État a condamné le gouvernement à une amende de 10 millions d'euros par semestre de retard pour son incapacité à réduire la pollution de l'air. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu la mise en place de zones à faible émission pour limiter l'accès des véhicules les plus polluants au centre des grandes villes. La création du plan vélo et mobilité active pour faire du vélo un mode de transport à part entière, ce qui a plutôt bien marché, puisque l'utilisation du vélo a augmenté de près de 30%. Oh my God. On pourrait aussi citer l'efficacité de la prime à la conversion, qui a été améliorée en devenant inéligible pour acheter un diesel neuf. Nous avons commencé à mettre en place des mécanismes d'accompagnement, cette prime à la conversion. 800 000 Françaises et Français ont changé de véhicule. Ils ont changé d'un vieux véhicule polluant pour prendre un véhicule de dernier modèle, ou hybride, ou électrique, ou essence, ou diesel, mais beaucoup moins polluant. Mais pas si vite. Elle reste limitée en termes d'impact, puisqu'elle est éligible pour l'achat d'un véhicule neuf à essence. Et en même temps, la plupart des mesures proposées par la Convention sur les transports ont été écartées ou amoindries, comme par exemple la fermeture des lignes intérieures en cas d'alternative en train en moins de 4 heures, qui a été ramenée à 2h30, et ne concerne finalement plus que 5 lignes d'avion. Alors que parallèlement, plus de 100 gares ont été fermées depuis 2017, et les investissements sont encore trop faibles pour entretenir et moderniser le réseau ferroviaire. Alors que la Convention, encore elle, avait préconisé un plan massif. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe. Sur l'épineuse question de la voiture, la France n'arrêtera de vendre des véhicules diesel qu'en 2040. Et si la part des véhicules électriques a augmenté de 1,1 à 5,8% entre 2016 et 2020, l'effet de cette évolution est très limité, puisque dans le même temps, la vente des SUV, elle, a augmenté de 28 à 39%. La Convention citoyenne pour le climat avait pourtant demandé l'interdiction de publicité pour les véhicules les plus polluants. Une mesure qui ne sera appliquée qu'en 2028. D'un autre côté, le plan de relance post-Covid a octroyé 17 milliards d'aides au secteur aérien sans aucune contrepartie sociale ou environnementale. Pas étonnant, lorsque l'on a un ministre des Transports qui aime bien clasher les ONG comme Greenpeace sur TikTok et est aussi un fervent défenseur de l'avion. Et surtout de l'avion dit vert ou à hydrogène. Un pari technologique risqué puisqu'il ne serait prêt qu'en 2035 pour des vols courtes distances. Surtout, il ne permettra pas du tout d'absorber le trafic actuel qui est en pleine croissance. Tout ceci montre que si le gouvernement s'agite, il fait aujourd'hui l'impasse sur 1. La transformation des secteurs les plus polluants et 2. L'impératif de sobriété dont on ne pourra se passer selon absolument tous les rapports qui tracent une voie vers une France à zéro émission nette en 2050. On devient dans un monde de fous où il y a d'un côté des gens qui disent « Vous n'allez jamais assez vite, vous n'en faites pas sur l'écologie, vous faites que des hashtags. » Et de l'autre côté, des gens qui disent « Vous êtes en train de nous tuer avec vos trucs d'écologie parce que moi je suis paysan, j'arrive déjà pas à vivre. Moi je suis dans une entreprise et vous fermez tout. » Donc il faut que notre nation sache se rassembler pour dire « On sera intraitable parce que pour votre génération, on doit sortir de la dépendance, réduire le CO2 et être à nos objectifs et aller de plus en plus vite. » Mais il faut changer les comportements. L'autre point central de toute politique climatique est celui de la justice sociale. Le mouvement des Gilets jaunes l'a démontré. On ne peut aujourd'hui faire reposer le poids de la transition écologique sur les personnes qui ont le moins contribué au problème. Fin du monde, fin du mois, même combat. Nous allons traiter les deux. Et que nous devons traiter les deux. Pourquoi dès lors taxer le carburant plutôt que le kérosène des avions, par exemple ? Il y a ici un paradoxe immense. La colère des Gilets jaunes a mené à la création de la Convention citoyenne pour le climat pour justement faire émerger des propositions ambitieuses qui ne pèsent pas principalement sur les plus démunis. Et plutôt que d'appliquer ces mesures sans filtre pour opérer une réelle transformation, le président n'a pas tenu sa promesse. Et la dimension de justice sociale a été vidée de la plupart des mesures. Pour Anne Bringo du réseau Action Climat, la justice sociale a été largement oubliée lors de ce quinquennat. Les Français ne sont pas prêts. Si le gouvernement a longtemps utilisé cet argument dérivatif d'une écologie qui serait punitive, il n'est aujourd'hui plus valable. Une étude de l'ADEME démontre que les Français sont tout à fait prêts à faire des efforts sur le climat s'ils sont équitablement répartis. Et comment avoir cette impression lorsqu'une grande partie de la politique du gouvernement semble se baser sur l'engagement volontaire des entreprises et le changement des comportements individuels, que l'on demande plus aux citoyens de changer qu'aux secteurs les plus polluants. On peut penser ici à la fameuse « écologie du quotidien » prônée par Barbara Pompili et illustrée à merveille par ce spot un peu gênant pour inciter les Français à rejoindre l'élan pour une économie circulaire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Oui, comme d'habitude. Réduisons, réutilisons, recyclons. Retrouvez toutes les informations utiles sur lesbonneshabitudes.gouv.fr. qu'est-ce qui changera pour eux? Qu'est-ce qui sera plus écologique dans leur vie, dans leur maison, dans leurs bâtiments, dans leurs écoles? Comment on verra les choses et à quelle échéance? On va déployer massivement, on a commencé à le mettre en œuvre en début de cette année, une prime pour rénover son logement. Beaucoup plus fort. Elle est en train de décoller, si je puis m'exprimer ainsi. On va y mettre beaucoup plus d'argent pour que les ménages, les plus modestes en particulier, mais les autres, puissent procéder aux rénovations pour dépenser moins d'énergie dans la maison et en même temps préserver notre climat. C'est écologique et social. On ne peut parler de justice sociale sans évoquer la rénovation thermique des bâtiments. Candidat, Emmanuel Macron s'était engagé à supprimer les passoires énergétiques en 10 ans, dont la moitié en 2022. Mais si des dispositions ont été mises en place, comme la prime Rénov', cela est loin d'être suffisant pour tenir les objectifs. Là encore, tout est dans le détail. L'interdiction progressive de location des passoires thermiques ne s'applique pas aux propriétaires occupants. Et pour les contrats de location en cours, les locataires devraient mener une action en justice contre les propriétaires, ce qui semble assez improbable. 12 millions de Français souffrent aujourd'hui de précarité énergétique. Et ce chiffre n'a pas changé pendant le quinquennat. Plus de 4,8 millions de passoires thermiques existent encore. Venons-en aux énergies. C'était une promesse du candidat et elle est presque atteinte. On est en train de fermer toutes les centrales à charbon. Aucun autre pays au monde l'a fait. Toutes les centrales à charbon. À un détail près, puisque la centrale à charbon de Cordemais continuera à fonctionner jusqu'en 2024, voire 2026. Dans le programme de 2017, il y avait aussi la promesse de financer le développement des énergies renouvelables et de doubler la capacité en éolien et en solaire photovoltaïque d'ici 2022. Et là encore, c'est raté. La France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint son objectif d'énergie renouvelable en 2020. Et l'objectif pour 2018 d'économie d'énergie a été décalé à 5 ans. Au-delà de la fermeture de Fessenheim, qui a été réalisée en 2020, Emmanuel Macron avait aussi promis de réduire notre dépendance à l'énergie nucléaire, avec l'objectif de 50% d'énergie nucléaire à l'horizon 2025. Un objectif qui a été repoussé à 2035. Pourtant, le candidat de 2022, après avoir soufflé le chaud et le froid sur le nucléaire, opte aujourd'hui pour une relance franche, qui pourrait mener à la construction d'une dizaine de nouveaux réacteurs de type EPR. Alors même que le réseau de transport d'électricité propose 3 scénarios de futur énergétique sur 6 qui permettent de se passer de nouveaux EPR tout en atteignant la neutralité carbone en 2050. La question de la biodiversité reste la grande oubliée de l'urgence écologique. Lorsqu'elle est évoquée, cela reste souvent sous l'angle de protection des espèces animales et végétales, sans prendre en compte les pressions systémiques qui s'exercent sur elles et qui sont liées aux activités industrielles. Certes, on peut mettre au crédit du gouvernement l'objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050 et de division par 2 du rythme d'artificialisation sur la décennie à venir, ou encore la lutte contre la déforestation importée. Mais ce dernier objectif risque d'être inopérant, puisqu'il n'y a ni plan, ni mesures contraignantes à ce stade. Enfin, cette présidence a mis un terme à plusieurs grands projets néfastes, sous la pression de la société civile, il faut le rappeler. Parmi eux, le nouvel aéroport Notre-Dame-des-Landes, le projet de méga-centre commercial Europa City, ou encore l'exploitation minière Montagne d'Or dans la forêt guyanaise. Mais les associations de protection de la nature craignent que certaines de ces décisions ne tiennent pas longtemps, notamment pour la Montagne d'Or. Enfin, je ne peux terminer ce bilan sans rappeler que ce quinquennat a été marqué par le refus de contraindre les entreprises et de changer de logiciel sur notre système économique. L'épidémie de Covid-19 aurait pourtant été une belle occasion de le faire, avec le plan de relance. Mais non. Des milliards d'euros ont été versés aux entreprises sans conditionnement au respect d'une trajectoire climat compatible avec l'accord de Paris. Aucune contrepartie à la baisse des impôts de production, qui représentent quand même 10 milliards d'euros par an, n'a été demandé aux entreprises bénéficiaires, dont l'activité est plus polluante que la moyenne. Le gouvernement et l'entourage du président se vantent d'avoir fait rentrer l'écologie dans la vie des Français et de ne pas les avoir trop brusqués. On repassera sur la taxe carbone et les gilets jaunes. En clair, ils seraient parvenus à ne pas rebuter tout le monde. Pourtant, l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat a démontré qu'il était possible de penser démocratiquement la transition. 150 citoyens tirés au sort ont été formés et ont débattu pour proposer des mesures fortes et justes socialement. Mais la loi climat a vidé la plupart des propositions de leur substance pour ne pas brusquer les secteurs les plus polluants. Pour Anne Bringot, du réseau Action Climat, le problème avec Macron, c'est qu'il a réussi à créer l'illusion qu'il agissait, laissant la société dans l'incompréhension des véritables enjeux écologiques et de l'ampleur des transformations à apporter pour y répondre. Il faut bien comprendre que plus le temps passe, plus les conséquences du dérèglement climatique seront violentes. Et si la France a aujourd'hui un important retard,

J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote, tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Question à Madame Wargon, ministre du Logement. Il y a 4 ans, Emmanuel Macron prétendait vouloir, je cite, « apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri ». C'est un échec et il en est le coupable. La Fondation Abbé Pierre présentera demain son rapport 2022 dénombrant encore plus de 4 millions de personnes mal logées en France, dont plus de 300 000 sans domicile. C'est 2 fois plus qu'en 2012. Désormais, les classes populaires ne sont plus seulement chassées des centres-villes, mais aussi de leurs périphéries. Elles sont contraintes au mal logement, à l'insalubrité, à des temps de trajet toujours plus intenables et parfois n'ont plus de solution du tout. Même problème dans les zones touristiques où l'augmentation des prix due à la spéculation et aux résidences secondaires arrache les logements aux locaux et rend impossible de vivre et se loger au pays. Il y a de plus en plus de besoins et de demandes de logements sociaux, plus 20% depuis 2012, mais jamais aussi peu d'argent public n'a été consacré au logement. Jamais on a construit aussi peu de logements sociaux. Au lieu d'agir pour qu'il y en ait plus, qu'avez-vous fait ? Vous avez encouragé les bailleurs sociaux à vendre leurs biens lors de la loi Elan. Au lieu de mobiliser les 3,1 millions de logements vacants, qu'avez-vous fait ? Rien. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. Au lieu d'augmenter les aides au logement, qu'avez-vous fait ? 10 milliards d'euros d'économies depuis 2017 sur le dos des allocataires qui y perdent en moyenne plus de 300 euros. Et enfin, au lieu de réguler sérieusement les prix du logement pour qu'ils cessent de grimper en flèche, vous laissez joyeusement chaque année les milieux immobiliers se féliciter de leurs profits records. Mesdames et messieurs les ministres, pour une fois, j'aurais aimé pouvoir dire que vous n'avez rien fait, mais la réalité est encore pire. Alors que l'espérance de survie d'une personne à la rue est de tout juste 15 ans, vous êtes responsable de ces 300 000 personnes sans domicile et de 15 millions de personnes touchées par la crise du logement. En attendant que la présidence de Jean-Luc Mélenchon permette de garantir enfin qu'un toit soit un droit, ma question est donc simple. Face aux conséquences de vos choix politiques, n'avez-vous pas honte ? Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En cœur, ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. S'enivrer de discours, pas de vin, rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le gros. être exécuté. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité. Il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité. Il doit être exécuté. Combien d'hommes disparus qui un jour ont dit non. Dans la mort propice, leurs corps s'évanouissent. On ne se souvient ni de leurs yeux ni de leurs noms. Leurs mots qui demeurent chantent juste à l'heure. L'inconnu a dit la vérité. Il doit être exécuté. L'inconnu a dit la vérité. Il doit être exécuté. Ce soir avec vous, j'ai enfin la règle du jeu. J'ai enfreint la règle des moineaux des aigles. Vous avez très peur pour moi, car vous savez que je risque vos murmures, vos tomates mûres. Ma chanson a dit la vérité. Vous allez m'exécuter. Ma chanson a dit la vérité. Vous allez m'exécuter. Bonjour Jean-Luc Mélenchon, Manuel est là pour m'épauler. Alors d'abord, c'est la troisième fois que vous vous présentez à la présidentielle et donc la troisième fois que vous venez en parler dans le cadre de ce rendez-vous de la Fondation Abbé Pierre. Merci de votre fidélité. D'abord, je vous propose d'aborder le grand projet que vous avez dévoilé, notamment dans la presse hier, celui de parvenir à zéro, alors j'ose plus dire SDF, zéro sans-abri. Bon, alors j'ai suivi la matinée. Les dés sont un peu pipés, comme vous le savez tous, pour la raison que le programme que je présente est, on va dire, inspiré hein, à 95 ou 99% de ce qu'écrit la Fondation Abbé Pierre, parce qu'il y a une relation intellectuelle de longue date. Bon, donc le programme zéro sans-abri... il est inspiré de choses qui ont été prises chez les autres. Alors, on m'a dit... D'abord, on est parti de la réflexion, est-ce qu'on parle de ça? Parce que d'autres en ont parlé avant. Et dans la discussion, on s'est dit, mais de quoi pourrait-on parler d'autre? Est-ce que, politiquement, c'est jouable de dire, je me propose de gouverner une société, de présider un pays super riche, où il y a des fortunes gigantesques, mais où, bon, d'accord... Il y a 300 000 personnes qui ont pas un toit à eux. Bon, donc, qu'on le veuille ou non, je ne vois pas quel autre objectif on peut se donner que tout le monde ait un toit. Alors après, c'est comment, et en distinguant deux niveaux, l'urgent, urgent, urgent. Par exemple, tous les jours, il y a 3 800 personnes qui font le 115 et qui n'ont pas de réponse. Alors je ne peux pas aller voir ces 3 800 personnes et leur dire « Attendez, j'ai un plan génial sur 10 ans, parce que c'est pour demain matin le problème, c'est pour ce soir ». Donc là, il y a des mesures de la super-urgence. Puis après, il y a les mesures qu'on peut prendre qui sont dans la demi-urgence et les moyens qu'on met en mouvement. Prenons un exemple. L'affaire des pensions de famille. Bon, la pension de famille, c'est pas une réponse au problème du logement. C'est une des réponses dans l'urgence, mais surtout pour faire face au problème social que soulève, et humain, que soulève quelqu'un qui a été à la rue pendant un an ou deux ans. Un jour, dans le métro, j'ai croisé un gars qui m'a dit allez-y doucement avec ça, parce que quelqu'un qui a passé un an dans la rue, il faut au moins un an pour retomber des deux pieds dans sa vie. Donc il faut que quelqu'un aide, parce que ça se fait pas tout seul. Et donc la pension de famille, c'est le cadre qui permet le plus respectueux de la dignité des personnes, de leur autonomie et d'une possibilité d'accompagnement. Je prends cet exemple, parce qu'il fait partie de la liste des choses. Ensuite, on commence par les sans-abri, mais j'espère que dans un instant, on va parler de pourquoi il y a cette situation, parce que sinon, on vient tous avec nos sparadraps. Moi, c'est pas dur, hein, j'ai pris la boîte de la Fondation Abbé Pierre, j'amène tout ce qu'ils ont dit. Il faut quand même qu'on réfléchisse à pourquoi on en est là. Je dis ça parce que un des aspects aussi qu'on pourrait soulever, c'est de dire, il y a 3 millions de logements vacants dans ce pays. Bon, premier chiffre. Deuxième chiffre, ah ben il est là. C'est 3,5% de personnes possèdent la moitié des logements à mettre en location. Alors, quel rapport il y a entre les 3 millions vides et cela? C'est pour ça qu'on a... Est-ce que c'est à eux? La taxation des... Parce que si c'est à eux, j'ai encore moins de réticence à dire que je vais réquisitionner. Je vais leur dire, écoutez, vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour louer ça à quelqu'un. Et là, aussitôt, je mets en place une logique qui est l'inverse de la logique du marché. C'est-à-dire, c'est le vendeur, l'offrant, qui doit se dépêcher de trouver quelqu'un. Parce que toute cette histoire résulte d'une logique de marché. C'est de ça dont il faudrait maintenant qu'on parle. Donc moi, ma politique dans ce domaine comme dans les autres, c'est la rupture avec la logique du marché. La logique du marché, c'est que le plus fort décide le moment où il met en circulation, et le plus faible, lui, ne peut pas attendre. Cette discussion, elle a 3 siècles. C'était Turgot-Necker. Hein, on disait, bah, faut libérer tout, le marché, et les autres disaient, bah oui, bah, celui qui a faim, il faut qu'il mange tout de suite, tandis que celui qui a du blé, il peut le garder. Alors comment vous cassez ce mécanisme, justement ? Alors déjà, on commence par le dire que c'est un problème de marché. C'est le marché qui a organisé le chaos. Si on en est là, c'est à cause du marché. C'est pas à cause de la richesse moyenne de la France, c'est pas parce qu'on manque de pelleteuses, c'est pas parce qu'on manque de bras, c'est pas parce qu'on manque de pioches, pas parce qu'on manque de bois, de terre, de paille, de ciment. C'est parce qu'il y a une logique d'organisation de la mise à disposition des biens qui conduit à cette situation. Et le gouvernement actuel, qui a exactement le parallèle de moi, ils ont une idée, eux, ils pensent que le marché va régler le problème. Donc plus ils font du logement à un marché, plus ils se disent, bah, ça va marcher à la fin, ça va fonctionner. Et nous, on dit, plus ils font ça, et plus ça va mal. Et à l'inverse, je veux donc briser, bloquer toutes les logiques de marché qui conduisent à créer la pénurie. Et alors, pardon, je termine d'un mot pour aggraver mon cas, ici, peut-être pas ici. C'est la nature du système. Le capitalisme a une histoire. Celui que nous vivons aujourd'hui, il a des caractéristiques. Il est financier. Et il financiarise tous les produits. Or, l'immobilier, c'est le sucre du sucre. Parce que vous pouvez lui faire des bons de valeur sans rajouter un gramme de plâtre, de ciment ou de peinture. Je suis un heureux propriétaire parisien. J'ai réussi mon coup d'une manière magnifique. J'ai acheté un premier truc, puis un deuxième, puis un troisième, et j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris 350% de plus-value en 10 ans. Bon, comment c'est possible un truc pareil? C'est bien parce qu'on a créé de la rareté. S'il n'y avait pas de rareté, ça n'aurait pas fait ce bon-là. S'il y avait eu du logement abondant, moi j'avais aucune envie d'être propriétaire au départ. Et d'ailleurs encore maintenant, si on me proposait d'échanger, j'échange. Donc c'est le marché qui a créé ça. Vous avez en France 300 milliards de titres financiers qui contiennent du logement, c'est-à-dire de la sécurité, de rendement par le loyer, par la valeur que prend le bâtiment tout seul sans y toucher un mur. Au point que dans certains pays, je me suis fait raconter que c'était le cas, je ne sais pas si c'est en Suède ou en Norvège, je vais me planter peut-être, mais des grosses firmes qui ont un gros capital préfèrent acheter une rue entière et ne mettent personne dedans pour faire monter les prix. Et puis, parce qu'on leur dit, ah, il n'y a personne dans vos logements, donc c'est un bien liquide. Comme il est liquide, il vaut plus cher que s'il y avait quelqu'un dedans. Donc, on ne tourne pas autour du pot. Le capitalisme organise une forme de marché qu'on a sous les yeux, qui conduit à jeter des gens dehors pour que d'autres puissent accumuler. Et c'est ça qu'il faut briser. Alors, on a pris de la hauteur et on a votre diagnostic. Alors, sans aller jusqu'au pansement... quels sont les mécanismes? Non, mais il en faut des pansements, arrête. Tout à l'heure, vous avez dit, on n'est pas là pour faire tout, pour sortir nos pansements. Après, si vous voulez, moi, quand j'entends des solutions proposées par l'un ou par l'autre, même des fois par des gens que j'aime bien, hein, je me dis, bon, bah, c'est sympa, je peux pas dire que je suis contre. Qui est-ce qui est contre l'encadrement des loyers? Personne. Ben, si, moi, parce que je sais très bien ce que ça donne, il n'y a qu'à regarder Paris. L'encadrement des loyers à Paris, c'est même pas par arrondissement. c'est par petite zone. Puis alors, vous avez 50 critères, combien il y a de pièces, si c'est une rue ou un boulevard. Ça peut être amélioré, bien sûr, hein, mais sur le principe, ça a fait quand même baisser certains loyers. Mais on ne se lâche pas dans un principe, ma chère. Non, non, mais là, je vous parle du concret. Ouais. Des loyers qui ont baissé. Oui. Ça n'a pas marché peut-être aussi bien qu'il le fallait, mais sur le principe, vous pensez que ce n'est pas un bon mécanisme? Ben non, je vais vous expliquer. Quand vous arrivez, à mon point de vue, hein, quand vous arrivez à avoir 14 mètres carrés alloué dans le 10e arrondissement et qu'on vous dit c'est 800 euros, moi j'appelle ça une honte. Alors on appelle ça un prix médian. Oui. Voilà la Manuel différence. Va vous répondre parce que la Fondation, elle défend l'encadrement du loyer. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous allez me demander, mais si j'avais des mesures d'urgence à prendre maintenant, aussi je bloque les loyers. Et puis il y a des endroits, je ne vais pas me contenter de les bloquer ni de les encadrer. Je vais dire on baisse. Parce que ce que vous faites là, c'est une honte. Ça s'appelle du surprofit ou du surproduit. C'est pas l'encadrement, c'est du blocage. Il y a des gens qui ça va fâcher, hein. C'est ça, c'est pas l'encadrement, c'est du blocage. Avant de parler de l'encadrement des loyers, si on pouvait revenir sur le plan zéro sans-abri que vous avez. Il n'est pas tout à fait comme ce que propose la Fondation Abbé Pierre, non pas qu'il y ait une opposition, mais ce n'est pas exactement ça qu'on a proposé. Vous misez notamment sur la réquisition. Ouais. Vous parlez de 3 millions de logements vacants. Donc oui, il y a 3 millions de logements vacants en France selon l'INSEE. L'immense majorité de ces logements vacants, c'est des logements qui sont entre deux locations ou entre deux transactions. Ils sont vacants au moment où on enquête. D'accord, autant pour moi. Non, mais il y en a vraiment 3 millions, hein, mais ils ne sont pas tous les 3 millions utilisables tout de suite pour loger des personnes sans domicile. C'est pour ça que le gisement est moins important. Mais il y en a. Il y en a sans doute 200, 300 000 dans des zones tendues, là où il y a des personnes sans domicile, et qui sont durablement vacants, au-delà de la vacance frictionnelle, comme on dit. Bon. Après, La vacance frictionnelle, c'est entre deux transactions. J'ai compris, mais c'est entre ça serait 2 millions 7 pour 300 seulement qui seraient seulement... Non, c'est une partie des 3 millions, mais il y a aussi des logements durablement vacants dans des zones totalement détendues, où il n'y a pas de personnes sans domicile. Donc, demande. On ne va pas réquisitionner des logements dans les Vosges pour loger des personnes sans domicile parisiennes. Bon, L'UNPI le proposait, par exemple. Mais, bref. Quand il y a des familles, pardon, excusez-moi, mais on parle de l'urgence, là. Dans mon quartier, depuis ma fenêtre, je vois des choses. Hein. Je vois cette femme avec le petit à la main. D'accord ? Elle se cache. Pourquoi ? Parce que s'il y avait une intervention, on dirait, la protection de l'enfance, madame, on prend le gosse. Son enfant. Ben, c'est une souffrance abominable. Donc je vous garantis que si vous dites à cette personne, il y a un logement dans les Vosges, elle ira dans les Vosges, parce que les Vosges, c'est bien. Quand t'as plus rien. Les Vosges, c'est très beau. Mais... Je dirais pas, vous êtes obligés d'y aller. Hein, mais je suis pas d'accord pour qu'on supporte la situation au nom de principes abstraits. Alors, il y a aussi que l'outil de la réquisition, nous on est pour, mais il a rarement, dans l'histoire, fait la preuve de son efficacité quantitative. Parce qu'il faut aller chercher des logements durablement vacants, imposer une réquisition, indemniser le propriétaire, et ça fait des solutions temporaires. Donc c'est utile, c'est un outil utile notamment pour, quelque part, menacer les propriétaires de logements vacants, pour leur dire, si vous ne mettez pas à disposition, soit du marché, soit de dispositifs d'intermédiation locative, votre logement vacant, vous savez que l'État, un jour, pourra vous le réquisitionner. Donc c'est une sorte de menace qui peut être utile. Mais enfin, aujourd'hui, on a aussi d'autres outils qui peuvent marcher et qui, pour le coup, marchent tous les jours. Je pense notamment aux attributions de logements sociaux. Aujourd'hui, le plan logement d'abord, alors on en pense ce qu'on veut depuis 5 ans, a permis de proposer un logement à peu près 300 000 personnes qui étaient en hébergement ou à la rue, et l'immense majorité, c'est dans du logement social. D'accord. Alors, logement social, il est en nombre insuffisant. Ah ben non, mais attends, il faudrait savoir. Mais il y a quand même des attributions. Vous avez dit vous-même ce matin, parce que j'ai quand même suivi, vous avez dit avant, il y en avait 4%, maintenant 6%. Vous avez dit, c'est bien, c'est un progrès. Puis après, vous avez pris moins de précautions diplomatiques et vous avez dit, bon, après ça, ça reste dérisoire parce qu'il nous reste 60 000, etc., etc. Ça fait 60 000 personnes et c'est dérisoire. Alors, ça dépend si on parle du moyen ou du court terme. Parce que quand vous dites, on a d'autres solutions, attribuer le logement d'abord, moi je suis assez d'accord avec vous, à la nuance que j'évoquais tout à l'heure, qui est que dans la pension de famille, on doit aussi tenir compte du niveau pension de famille, c'est-à-dire de quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide à remettre pied dans sa vie. Hein. Quelqu'un qui accompagnerait la personne hébergée. Oui, dans les films que vous avez passés ce matin, cette femme-là, qui est déjà assez courageuse pour vivre cette vie-là, la personne a besoin de lui dire comment on met ses chaussures le matin. Donc, elle, c'est vraiment du logement. On est d'accord là-dessus, mais pour ça, il faut qu'il y en ait. Donc, il faut qu'on en construise. Bon. Alors là, en effet, il y a une différence entre votre plan et celui que nous, on a, c'est que vous mettez 150 000... logements à construire par an, moi j'en mets 200 000. Mais je ne me fâche pas, si vous voulez que je réduise de 50 000, il n'y a pas de problème. Il y a toujours... Non, non, ce qu'on voudrait, c'est que vous nous disiez comment on fait pour arriver à 200 000. Ah ben alors, je vais vous expliquer. On prend un terrain, on arrive avec un plan, et on pose un trou dans un sens, dans l'autre, où, comme le ça. Terrain on le trouve où, on le trouve comment, mais le terrain. Mais je sais bien vous dire comment on fait. Parce que tout à l'heure, je racontais en à fait, Jadot... En fait, c'est pas l'État qui produit des logements sociaux. Ah ouais? Non. Ben, faudra s'il faut. Mais du coup, c'est ça que je demande. Comment on fait? Je pense qu'il y a des droits fondamentaux qui nécessitent que la collectivité que nous formons, nous sommes un groupe d'êtres humains dans un pays qui s'appelle la France, nous sommes une communauté, la seule qu'on connaisse, la communauté nationale, la communauté légale. Donc on décide, les trois qu'on est là, on n'a pas les mêmes opinions politiques, mais il y a un point sur lequel on est d'accord. On dit, nous, on n'est pas d'accord pour qu'il y ait un môme à la rue. On n'est pas d'accord pour que des gens aient pas de... Alors, ben, on va le faire. Qu'est-ce que ça, techniquement, qu'est-ce que ça a de compliqué? Rien. Rien, absolument rien. On sait tout faire. Les trous, les bâtiments, le machin, des logements. Plus vous mettez des choses de qualité, plus elles seront durables. Moins les gens auront envie d'acheter. Du coup, moins l'immobilier s'enflammera. Donc, le bonheur du très grand nombre ne fera qu'une chose, répandre du bonheur. Voilà. Donc, il n'y a pas de difficulté. Quant à l'argent, oh, pardon, pas vous, quoi. Des sous, il y en a partout. Il y en a partout, c'est pas l'argent le problème. Est-ce qu'on va arriver à faire du bois, de la paille ou du ciment en quantité assez rapide? Est-ce qu'on va trouver les gens pour creuser les tombes? Attendez, parce qu'il faut les faire, les 200 000 logements. D'accord? C'est le double de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, justement. La Fédération nationale du bâtiment, elle dit que pour un type, une personne qui travaille dans le bâtiment, ça crée deux emplois. Vous les trouvez, les deux emplois? Ça veut dire 200 000 personnes à mettre au boulot de plus. Vous savez qu'il y a des résistances localement. Il y a certaines villes qui ne veulent pas construire. Oui. Il y a aussi un problème de densification, d'artificialisation des sols. Il y a des obstacles, c'est pour ça. Alors, évidemment, c'est simple quand on le présente comme vous le présentez. La résistance psychologique, tout ça, bon, ok, ça, on en tient compte. Mais le reste, c'est de la technique. On n'est pas obligé d'aller artificialiser des terrains qui sont des zones sensibles, puisque vous évoquez cet aspect-là. Mais si on veut rien artificialiser, on sait bien que c'est pas possible non plus. Donc il faut qu'on trouve la forme de l'habitat. Puis alors, vous avez pas tout évoqué. On pourrait évoquer le problème aujourd'hui, à chaque fois qu'on veut faire un lotissement, il y a un problème nouveau qui est apparu. Attendez, dans 3 ou 4 ans, on finira par en parler. Pour l'instant, c'est encore nouveau. C'est qu'il n'y a pas d'eau. Avant, il y avait de l'eau. On faisait un trou, on trouvait de l'eau. Maintenant, on fait un trou, on ne trouve rien. Donc des tas de projets de lotissement n'ont pas lieu. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'eau. Et donc, le problème de l'eau... Alors, ça avance. Regardez, aujourd'hui, M. Castex a compris qu'il y avait un problème d'eau dans ce pays, et il va le régler pour faire des réserves d'eau pour les paysans. Mais il ferait bien de réfléchir à comment on en fait pour les citadins, parce que c'est autrement plus grave, parce que nous n'avons pas le choix dans les villes. Alors, je reviens à ce que vous disiez. Ça dépend de la nature des résistances. Certaines sont fondées, on ne va pas dire le contraire. Si moi, j'arrive avec mes gros sabots et je dis, tiens, là, on va construire, je sais pas, moi, 200 logements, et quelqu'un me dit, non, mais monsieur Mélenchon, vous plaisantez, non? C'est une zone sensible, c'est une zone humide, pas question, on le fera pas. Bon, bah, je remballe. Et je vais voir où, mais qu'on vienne pas me raconter que c'est impossible de construire du logement comme objection, en fait, qu'il n'y en a pas. Ou alors, comment va-t-on se sortir de cette situation? Tendanciellement, elle ne peut que s'aggraver, vous le savez, vous. Ça ne peut que s'aggraver, puisque c'est la pente dans laquelle pousse le marché. Deuxièmement, parce que, tendanciellement, nous sommes plus nombreux. Hein? Donc, ça ne peut que s'aggraver. Donc, on est obligé de briser ce cycle, mais pour briser ce cycle, il faut aller à la cause. Le logement ne doit plus être une structure d'accumulation du capital. Voilà. Et ça, le mécanisme économique, c'est un devoir de le mettre à nu. Parce que sinon, on en vient à se satisfaire de ce que je vous disais tout à l'heure. On dit, ah ben voilà... Loyer moyen, dans le 10e arrondissement, à côté de la gare de l'Est, pour 14 mètres carrés, 800 euros. Voilà, eh ben non. Donc on bloque les loyers, et pour les ventes alors? On taxe les ventes pour éviter justement qu'il y ait... Ah ben alors après, on de quoi vous parlez là? Ben justement, vous dites que vous voulez casser ce marché, cette inflation ouais, des ben prix oui, ben alors, à la location et alors à l'achat. On taxe ce qui... nous on a dit logement de luxe dans le programme, c'est-à-dire ce qui représente... une somme importante, alors je sais pas où ils la mettent, où ils mettent la barre, on s'arrangera avec la Fondation Abbé Pierre, ils nous diront. vous serez pas contre. Non mais attendez, c'est pas une plaisanterie de dire que dans un gouvernement de rupture comme le mien, les associations sont pas juste des gens qu'on fréquente aux élections. C'est des gens qui interviennent dans la réalité. C'est pas ça la question, ouais. D'accord ? Donc moi je demande, je vais vous dire, comment je gouverne depuis le palais de l'Élysée pour aller être certain que le prix du logement va pas continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Parce que tout à l'heure, Madame Hidalgo, elle parlait du prix médian, elle est de bonne volonté, Madame Hidalgo, j'en suis sûr, pourtant c'est une concurrente. Mais moi je peux pas me contenter de ça. Je vais vous dire, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous laissez un truc pareil se faire? Dites-moi où c'est, dites-moi qui c'est, et on va régler par la loi, par le règlement. Beaucoup de choses peuvent se régler par le règlement. Par exemple, bloquer les prix, parce qu'il y a une situation exceptionnelle. Je ne dis pas que c'est la solution durable, hein, mais quand vous avez une situation exceptionnelle, vous pouvez bloquer les prix. Il y a un article du Code du commerce qui le permet. Donc je peux décider de bloquer les prix des loyers. C'est la loi, c'est les compétences du gouvernement. Et est-ce que vous ne risquez pas de bloquer les investissements dans la pierre si vous bloquez les prix? Des loyers, bloquer des prix à la vente. Ça dépend de qui. Non, mais c'est un marché, mais je comprends, c'est pour ça, mais vous avez raison. Le marché, c'est comme ça que ça se passe. Oui, alors il y en a qui peut-être hésiteront à mettre des sous dans la construction de logements. Bon, est-ce qu'ils vont nous manquer? C'est pas sûr. Hein. D'après vous, ça dépend ce qu'ils construisent. Non, mais si c'est l'État, c'est pas les sous de l'État qui vous manqueront. C'est pas les sous des bailleurs sociaux. C'est pas les sous de la garantie universelle, le loyer, c'est eux qui ont inventé ça. C'est génial. Bon, et d'ailleurs, ça, c'est des mécanismes qui brisent le marché et qui brisent en plus la ségrégation sociale de classe. Parce que moi, c'est pas le problème, mais supposons que là, j'ai un gamin à loger, c'est une super caution, hein. Et celui qui a pas papa ou maman pour faire la super caution, comment il fait? Donc, il n'y a pas d'autre solution que celle que vous avez inventée, qui est cette sorte de sécurité sociale du logement, où on cotise tous pour qu'il y ait une assurance de garantie sur le paiement du loyer. Donc, c'est les propriétaires, là, qui cotisent pour la garantie universelle des loyers. Quoi, mais tout le monde peut cotiser. Quand vous louez un logement, c'est le propriétaire cotisera pour une garantie universelle des loyers. On peut tous cotiser, où est le problème? Ou c'est le aujourd'hui, c'est 5%. C'est ça ou 4%? Oui, c'est à peu près ça. Pour l'assurance privée. Ouais, l'assurance privée. La ville de Paris font un truc qui est plus sympa. Bon, c'est cette somme-là. On peut la répartir. Écoutez, c'est toujours pareil. Quand vous payez une assurance, vous pleurez tant que vous n'en avez pas besoin. Le jour où vous en avez besoin, vous pleurez plus. Vous payez tous les mois une assurance pour votre santé ou pour votre emploi. Parlons de la santé, par la sécurité sociale. Quand vous n'avez pas besoin de médicaments, ça fait quelque chose de payer. Le jour où vous en avez besoin, et on vous dit, vous cassez pas la tête, quels que soient vos sous, de toute façon, on vous soignera le mieux avec le meilleur de ce qu'on a. C'est exactement la même chose pour le logement. Donc, je fais un lien parce que j'ai entendu 50 fois dire, chaque fois que je propose cette idée ou d'autres, on me dit, ah, on est déjà le pays record des prélèvements obligatoires. Ben, ça dépend ce que vous mettez dedans. Dans tous les pays où les gens ne se payent pas d'assurance chômage, directement sur le salaire, ils se la payent à côté. Ça compte pas dans les prélèvements obligatoires. Si, avec la garantie loyer, qui mettons que ce soit 2%, vous avez la certitude que vous serez tout le temps relogé si vous avez besoin. Par exemple, les enfants sont partis, vous avez besoin d'un logement plus petit. Bon, alors vous partez pas, parce que votre logement actuel, il vous coûte moins cher qu'un logement plus petit. C'est un des problèmes qu'on a, souvent, dans le logement social. Si vous avez la garantie qui résultera de X protections, pas seulement de celle-là, vous n'avez pas un problème à payer. Vous avez un problème à payer quand vous n'en avez pas pour votre argent. Qui a dit que l'argent social doit être inefficace? C'est le contraire. L'argent social doit être efficace. Alors après... Bon, on va continuer, je vais vous laisser poser les questions. Mais non, mais juste pour clarifier, vous n'êtes pas contre l'encadrement des loyers, vous êtes pour renforcer l'encadrement des loyers. On est bien d'accord. Ah ben oui. Non, mais je n'ai pas dit qu'on allait le supprimer. Mais le blocage des prix, c'était le stade ultime de l'encadrement. Mais ça, du coup, ça existe, ce mécanisme, dans la loi. Donc vous voulez le renforcer. C'est aussi ce qu'on propose. Donc très bien. Par contre, sur le niveau des prix à la vente, ça, je n'ai pas compris quelle était votre proposition. Vous dites au-dessus d'un certain montant de prix au mètre carré, qu'est-ce qu'on fait? Taxe. On taxe, mais ça fait pas baisser les prix ici. Comment ou quoi? En principe, c'est pas ça qui fera baisser les prix. En effet, c'est que je détruis le mécanisme de marché. D'accord. C'est pas le prix ça va pas moins venir. Intéressant de vendre. On va pas venir de la dissuasion par la taxe. Donc on n'est pas sur une fixation de prix, contrairement à l'encadrement des loyers où on dit pas plus de X euros du mètre carré. Bon, joker. Le temps que je vois. Non, vous mais vous moi avez je cherche ça il y a 5 ans aussi. Écoutez, je vais pas raconter d'histoire. Hier après-midi, c'était le budget de la défense nationale. Aujourd'hui, c'est mon boulot, je le fais. C'est la campagne. Mais je n'ai pas le grand oral de l'ENA permanent. J'ai pas envie de dire quelque chose qui limiterait la casse pour certains. Après, on pourra dire, ah mais monsieur Mélenchon, vous avez dit ceci et cela, alors s'il vous plaît, touchez pas. Non, pas question de ça. D'abord, les questions qu'on traite là, il y a un côté un peu abstrait, parce qu'on cherche à aller dans le structurel. Donc je suis d'accord avec ça. Mais là, on parle d'un événement qui va se produire dans 2 mois. suivant qui est président de la République. Je préfère annoncer que la situation n'est pas celle du calme plat. Il y a 2 mois ou 3 mois, j'ai proposé 2 mois. Le blocage des prix, à l'époque, je disais les produits de première nécessité, certains légumes, certains aliments, mais la situation s'est aggravée entre-temps. Donc, ce que je sais pas, moi, le 10 avril, c'est où on va en être, après le deuxième tour. Donc, je peux vous dire d'avance que je n'exclus pas un blocage des loyers dans 2 mois. Parce que si je m'aperçois que la situation est telle que les gens sont passés du stade de l'asphyxie à la mort, je ne laisserai pas faire. Je vais pas dire, bah attendez, on va discuter pour savoir si on vous donne un chèque je sais pas quoi, ou un chèque bidule, ou un chèque machin comme on sait en ce moment, parce qu'on a peur d'aller demander à ceux qui ont pris beaucoup d'argent d'en rendre un peu. Vous voyez ? Donc il y aura des mesures d'urgence qui correspondent pas forcément à ce qu'on est en train de se dire. Et je ne vais pas vous faire croire que la mesure d'urgence est la mesure permanente, parce que c'est pas vrai. On peut pas régler la vie d'une société à coup de mesures d'urgence. Il n'y a que M. Macron et son urgence sanitaire ou terroriste qui y croient ça. Après, les gens normaux, non, ils savent que l'urgence est provisoire, en principe. Après, comme je vous apporte la contradiction, le blocage des prix, le regard, quand je vous dis contradiction... Regarde, c'est... Mais le maintenant, blocage... tout le monde le sait, pardon. Je suis sur les lèvres une partie de ce que vous me dites, le blocage... je regarde attentivement. Quand on bloque les prix des aliments, c'est vrai qu'on a toujours, on s'inquiète pour le producteur, qui risque, au début de la chaîne, d'être moins bien rémunéré, et quand on bloque le prix d'un loyer aussi... Parce qu'il n'y a pas que de très riches propriétaires qui gagnent un argent fou. Il y a aussi des gens qui comptent là-dessus pour ça, vivre. J'adore ça. J'adore. Qu'est-ce que j'ai dit ? Les gros qui sont planqués derrière les petits. Ah non. Non, mais attendez, c'est pas à vous que je dis ça. C'est pas à vous, je ne sais pas ce qu'ils voilà, vous disent. J'aimais... Ouais, mais voilà, bon, je la connais dans la paysannerie, c'est pareil. Alors là, vous avez commencé votre phrase par le producteur qui va être floué par le blocage des prix. Ah ben, le blocage des prix alimentaires en ce moment, oui. Enfin, ça existe, on fait des sujets tous les jours là-dessus. Il y a des producteurs, si les prix sont bas, on se demande comment ils se rémunèrent, parce qu'ils ont des coûts qui augmentent. Mais attendez, je vais vous l'expliquer. Oui. Allez-y. Le prix agricole, quand vous donnez 1 euro, il vient 8 centimes aux paysans. Alors, c'est qu'entre les deux, il y a eu des coefficients multiplicateurs. Donc, si je respecte le paysan qui a produit ça, déjà j'ai intérêt, il n'y en a pas tant que ça, des paysans, et surtout pour de l'agriculture vivrière. Et ils sont déjà bien malheureux, ils s'en prennent tous les 2 jours. Ça, c'est une réalité, là, actuelle, hein. Le suicide dans la... Bon, qu'est-ce que je fais? Je lui garantis son revenu. Mais si c'est vous qui me dites ça, je vais être obligé d'entrer dans le détail. Ça me dérange pas, moi. Le contrôle des prix, c'était jusqu'à 1986. Mais je voudrais vous épargner ça tout de suite, hein, en tout cas dans les premiers mois. Donc, qu'est-ce qu'on va bloquer? C'est le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire, je vais aller voir Monsieur Édouard Leclerc, ou je sais pas qui, et je vais lui dire, écoutez, le coût de la baguette à 29 centimes, pas avec moi, parce que je sais que vous vous rattrapez sur le reste. Donc, moi, je vous dis que sur les pâtes, vous ferez plus 40% de marge de bénéfice. Je vous dis que sur les poireaux, vous ferez pas tant que ça. Sur celui-là, vous ferez pas. Donc, alors, amenez votre papier. Marge multiplicateur sur les poireaux. C'est le distributeur, 3, en fait, très bien, dorénavant, c'est 2. Qui va réduire sa marge, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que ça marche. Il y a déjà une guerre des prix. Alors lui, bah, il n'est pas content. Donc il va à la télé, à la radio, avoir ses copains, les 9 milliardaires qui possèdent tous les journaux de ce pays, et leur dit, il faut à tout prix arrêter ce type. Il est en train de ruiner les pauvres paysans. Puis vous finissez toujours par trouver un pauvre paysan pour arriver pour dire, oui, c'est pas juste, il ne sait pas de quoi on parle, on lui a pas dit que c'est Mélenchon qui lui garantisse. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est ce que je vois tous les jours quand j'allume une télé. Tous les jours, c'est pas quelque chose que j'invente, sinon moi je serais ravi, hein. Vous voyez ? Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Ah ben, il n'y a pas de quoi. On a écouté. Je reviens quand vous voulez. Merci beaucoup. Et vous pouvez inscrire, enfin, j'allais dire voter, c'est pas voter, inscrire le mot qui, selon vous, résume l'intervention. Regardez. Brillant, concret, humaniste, convaincant. Bon, là, vous êtes un peu chez vous. Réaliste, excellent. Je ne sais pas qui a mis tout ça, mais merci. Voilà, vous avez. Voilà, il y a des gens qui vous signalent. Merci beaucoup d'être. C'est moi qui vous remercie et votre patience. Voilà.